Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Bonjour, ici Luduc et vous écoutez le Geek Collectif qui fête aujourd'hui sa 50e émission. Hein? Il y en a eu du temps libre pour faire cette émission-là. Lâchez pas les gars, vous êtes les meilleurs. Salut Geek Collectif, ici Frédéric Barbouchy de Pas de Problème. Et félicitations, 50 balados. Hein? Wow! Habituellement, la chicane entre les membres arrive vers l'épisode 62. Donc, profitez-en. Salut! Salut, ici Sébastien. Et Sacha. Hey, du podcast des Gumballoons. Et on veut souhaiter un bon 50e au Geek Collectif. Sacha, 50 épisodes, c'est pas rien, ça? Ben non, c'est pas rien, c'est 50 épisodes. Salut la gang du Geek Collectif, ici JB, Daniel et Luc de Réalité Augmentée. On tenait à vous féliciter pour ce 50e épisode. Ouais, ok, nous autres on a comme 40 de plus, mais faut bien commencer à quelque part les gars. Hey, merci Milter, en tant que bon franco-ontarien, tu nous apprendras à mieux casser notre française. Merci André pour ton règne sur les internets en tant que zombie souverain des mimes et de tous les trolls du web. Et merci à toi, Eric, pour ton implication dans RZO et ton love pour Laval. À ton prochain trip au O3, ben, je me réserve une place dans ton pack-sac. Comme vous voyez, les boys, on vous connaît à fond. Et on vous souhaite longue vie au Geek Collectif. Donc, bienvenue au 50e du Geek Collectif, le podcast. Mon nom est André, accompagné ce soir de ma troupe habituelle, mes collègues, les Three Amigos plus un. Salut Nick. Allô. Fait que t'es revenu nous voir. Ben là, c'est la 50e, fallait que je sois là. 50, là-bas de 50. C'est ça. Correct. Ça. Tout le temps le fun d'avoir Nick avec nous. Je voudrais saluer mes trois fans. C'est vrai, c'est vrai. Hey, puis le pays, t'as eu beaucoup de... Shout out sur les internets, toi, depuis qu'on a parlé que c'est la 50e. Le monde veut te revoir. Mais ouais. Ouais. Pas pourquoi, mais. Fait que garde tes fans ce soir. Sois déplacé, soit subtil. Soit toi-même. Soit toi-même. Faut pas que je dise le mot graine. Too late. Ah. Je sais pas. Ben, attends. Quel mot faut pas que tu dises déjà? Grain. Grain. On entend quelques soupirs dans l'auditoire. Allô? Accompagné également d'Éric Hébert. Oui, c'est bien moi. Ça va bien? Ça va très bien, toi, Éric. Ça, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais ça se célèbre, là, c'est 50. Là. Le pire, c'est que ça se célèbre en crise. 50, parce que... la saison continue. Je suis bien excité de ça. Elle lâche pas la saison. Elle lâche pas la saison. On s'est pas entretués. On s'aime encore. Fuck you, Internet. On est là pour de bon. On a envoyé chier Internet. Parce que l'Internet, elle m'envoie chier régulièrement. Ah, oh, OK. C'est ça, 2014. 2014, c'est de l'amour. S'envoyer chier, c'est de l'amour. Love-hate relationship. Milter? Ben, salut. Hein? C'est moi. Milter, je te sens sans mots présentement. Non, là, je suis... C'est l'émotion du moment de te dire, on a 50. J'ai comme une boule en dedans, puis j'essaie de calculer, je me dis 50 épisodes, on en sort un ou deux semaines, c'est 100 semaines, c'est quasiment 2 ans, mais on a manqué, je pense, une fois en fait, ou deux. Fait que c'est ça, là, dans c'est le fond, vrai, ça fait un peu plus deux ans, et un petit peu plus, là, dans le fond, mais c'est une méchante bonne saison à date. Moi, je pense qu'on devrait commencer par s'applaudir avec un slow clap. Ouais. Bon, ça va faire le léchage de cul. Donc, 50e du collectif, ça serait pas un épisode de notre humble balado-diffusion, mais dire podcast, non? Mais c'est un podcast. C'est un podcast. Un podcast ou une balado? Arrête, arrête, André, de te mentir en disant que c'est une balado. C'est un podcast. Non, mais c'est parce que je remplis le quota. Parce qu'apparemment, j'ai regardé les stats récemment. Il y a des gens dans le coin de la Belgique qui écoutent. Mais c'est pas grave, eux autres comprennent rien, anyways. Ouais. Oh, c'est chiant, hein? Mais non, on vous aime la Belgique, on adore. On adore surtout vos bières. Qu'on boit pas en ce moment. Pas présentement. Non, on en boit souvent, par exemple. On a appris comment faire notre propre bière. Elle vient d'où, l'alchimiste, avant que je me fasse... Moi, la Moussette. La Moussette, c'est canadien, ça, la Moussette? Moi, j'ai de la coup de canon. La quoi? La coup de canon de la Bilboquet, vraiment bon, café... Moi, de la Saint-Ambroise. Saint-Ambroise. Je sais pas si c'est français. Alchimiste, qui est Montréal. Alchimiste, Montréal. Hey, écoute, ils ont un nouveau sticker en arrière de leur bière, fait d'hiver. On sait pas si c'est rond en bouche, mais c'est bon dans la gueule. Tu sais quoi, il y a une chose que j'avais toujours pensé d'Alchimiste, c'était que je trouvais que ça a de la cheap. Pas de joke, là. Je trouvais que la bière était bonne, mais les collants ont de la cheap. Il y a une quote en arrière de leur bière. Puis là, je suis content, ils ont décidé de y a quelqu'un ils sont investis. Je pense qu'ils ont investi de l'argent là-dedans, c'est bon. 7,99 pour une 6. On s'entend que j'en ai eu pour mon argent en esti. Exact. Fait que sur cette note-là, merci la Belgique, on vous a plus besoin. Moi la Belgique, la prochaine fois, s'il vous plaît, gardez Stromae chez vous. J'étais curé de l'avoir ici. Sinon, on va vous envoyer Bieber. Là, c'est ça, quelque chose. Il est mauvais, pas vrai. C'est dégueulasse. Thomas, c'est lui qui a fait un clip qui est comme moitié femme, moitié homme. Tout le monde pense qu'il est révolutionnaire, mais qu'ils n'ont jamais vu le clip comme, de Prince. Comme le gars Juste pour rire aussi, il y a comme 25 ans. Là. Il y avait un gars qui faisait ça Juste pour rire. On le voyait au Canal D en reprise sans arrêt. C'est-tu le même gars qui se mettait dans une ballonne géante puis jouait de la... Je pense pas, mais peut-être. Michel Lozière. Oui. Il fait tellement tout, ce gars-là, Chris. Il fait-tu des podcasts, Michel Lozière? Probablement. Ça pourrait être assez cool qu'il fasse un comeback au collectif. Ouais, il fait des balados, lui. Des balados? Ouais. Ah, on vient de le perdre. Il va aller en Belgique. Donc, ça ne serait pas le collectif si on débuterait pas. Ça se dit-tu? Hey, je me radote, hein? Non. Ma blonde me fait... On me dit non en coulisses. Donc, ça ne serait pas le collectif... C'est refusé. ...sans débuter par un tour d'actualité et un chat qui me gosse. Fuck off, Skype. C'est Skype, pas Skype. Donc, qu'est-ce qui s'est passé d'intéressant avec vous ou de non-intéressant cette semaine? Oui, l'auditeur en sera le juge. Je suis prêt à prendre le dessus là-dessus puis me risquer. J'ai toujours cru que t'étais top, Milton. Ben, je suis confiant là, de moi-même. Là. Puis, tu sais, gars, ceux qui sont au courant de l'actualité, il y a eu des grosses affaires cette semaine. Puis je pourrais... parler des tragédies puis des fléaux comme les djihadistes canadiens ou l'Ebola. Tu sais, mais je le ferai pas. Ou les bijoux à Caroline Néron. Genre, tu sais, des affaires... Tu parles de ceux qu'avant, là? Des fléaux, non, là. On parle de tragédies. Des fléaux. En tout cas, tu peux parler de toutes ces affaires horribles. Je pourrais parler de toutes des affaires, comme Eric dit, horribles et dégueulasses, là, mais je vais parler de quoi d'encore pire, d'après moi, qui est un fléau, qui passe inaperçu, puis cette semaine, gars, il fallait... C'était plus fort que moi, là. Quand j'ai vu ça, j'ai fait... Je peux pas croire que personne parle de ça. Il y a des compagnies qui font des jeux comme Duck Dynasty, puis des jeux basés sur des téléséries de merde. Hey, Activision, là, ils font des jeux respectables. Si... Hey, peut-être Destiny, certains jeux, Call of Duty, jeux, mais pourquoi qu'ils font des jeux comme Duck Dynasty puis qu'ils te le vendent 60$? C'est quoi le but du jeu de Duck Dynasty? Non, mais d'un, je c'est pourri. Hey, un moment donné, ils vont manquer de mots qui finissent par Y. J'ai fait qu'il n'y avait pas le choix d'y aller avec là, ça. Il y a du monde qui vont dire oui, mais c'est quoi qui se fait? T'as-tu joué tout? Non, j'ai pas joué. Mais j'ai regardé pendant 2h30 un gars jouer sur Twitch. C'est encore pire, ça. Pourquoi te faire puis, ça? Ben, je voulais voir c'était quoi. J'ai fait, je peux pas croire qu'ils vendent ça 60$. Je veux savoir c'est quoi. C'est-tu quoi? Je suis sûr que la gang d'Activision aussi, quand ils ont vu le gars streamer sur Twitch, Duck Dynasty, ils ont dit, je peux pas croire qu'on a réussi stream. À avoir quelqu'un qui stream notre jeu. Mais le gars, tout le long, il comprenait pas. Puis là, t'arrivais, là, puis l'émission, là, c'est genre, pogne une chaloupe, va en plein milieu d'un spot. Puis pêche 7 poissons-chats, là, des catfishes. Non, même pas ça, c'est une autre mission. Je pense que tu pitches des explosifs dans l'eau. Mais genre, tu pêches genre 7 poissons en 8 minutes. Là, t'es comme, what the fuck, c'est abusif. Puis après, tu t'en vas genre dans le champ, puis c'est comme, ok, tu 9 bucks, ou 9 canards, excuse, pas des bucks, 9 canards en 4 minutes. Mais C'est pas du braconnage, à un moment donné. Nick, il y a le goût. Non, mais je trouve pour 60$, c'est cher, mais sinon, mais ça peut être quand même drôle. Là, pour 10-20$, là, maître Frank, toi, oui, je la jetterais pour rire avec des chums, peut-être. Y a-tu du online co-op? Y a pas de l'air à en avoir, mais c'est entrecoupé de segments réels de l'émission. Un peu comme dans le temps de Pimp My Ride. Là. Genre. Okay, on... Tu sais. Ghosting. Comment? Y'a-tu du ghosting? Du car ghosting? Ou du duck ghosting? Ah, oh, rien, c'était, pas c'était tout. Ça, hein? C'était du ghosting? Ouais. Non, man, du ghosting. Tu marches à côté de ton char aussi. Les autres, ils marchaient à côté de leur... Non, mais ils se poussent des cracks, puis y a des gens de grenouilles en or caché que j'ai compris. Des... Fait que tu sais, parce qu'il y a comme un free map. Avant de faire chaque mission, c'est comme pogne un Jeep, là, puis roule dans swamp pendant 10 minutes pour rendre à l'autre spot de pêche. Tu sais, c'est, en tout cas, c'est vraiment de la merde. Mais que je peux pas croire, le point, c'est que... OK, sérieux, pensez à des jeux, là, puis autres des cartoons, comme DuckTales, puis peut-être Rescue Rangers, qui datent du Nintendo, là. Rescue Rangers. Autres que des... Ben, Chip and Dale, Rescue Rangers, là, au NES, c'était Defiance. Bon comme jeu, là. Des vrais bons jeux basés sur des téléséries. South Park, c'est cool. South Park. Ah, oh, man, Stick of Truth, Defiance, c'était bon. C'était pas spé. Mais South Park, c'est d'autres choses, je trouve. Chef's pareil. Chocolate Salty Balls, dans le temps, le quiz game qu'il y avait au Nintendo 64. Ben, c'est basé sur Salty South Balls. Park. C'était bon, ça. Tout ce qui est South Park puis Simpsons, je suis d'accord avec vous. Là. Run, ouais, mais bon, plus ça. Des ça. Téléséries, je parle de vrais. Là. 24 The Game. Je m'excuse. Desperate Housewives. Lost, le jeu Lost. Ouais, Lost. Les jeux de CSI. C'est bien ça, le jeu d'Ubi. Le jeu de CSI, c'est cool. C'est tout des points and click. Moi, j'aimais ça, CSI. Mais je cours vraiment contre le point à Milter en ce moment, par contre. Non, mais sérieux, j'ai joué au CSI. Puis tu regardes ça, puis c'est jamais un jeu qui vaut 60$. C'est ça que je veux dire. Mais ma blonde serait pas d'accord. Mais ils t'y vendent, pareil. Surtout que t'es gratis sur Facebook, CSI. C'est pas les mêmes, je pense, mais... C'est pas la même affaire. C'est pas la même affaire? Non. Non, les CSI ou Xbox, dans le temps... Sur Xbox, c'était cool. C'était des point and click. C'était des point and click d'investigation. Fait que dans le fond, ton point, c'est que... C'est qu'ils devraient pas vendre des hosties de jeux de même à 60$. Ah, OK. Ils abusent, tu sais. Il y a pas un succès... Il y a pas un jeu... Mais en même temps... Même Walking Dead, là, pas le point and click, mais l'autre, là, Survival Instincts, qui est comme basé sur AMC. The Walking Dead, qui est genre, on va mettre Norman Reedus sur la page couverture de quelque genre, chose. Genre, là. Ben, c'est-tu Activision qui a fait ça? Je comprends pas, je sais pas, faudrait Eric? Checker. Pas sûr. Walking Dead, Survival Instinct. Je pense que ça allait être un Activision Twitch? Value en passant. Twitch, on vous envoie sur Wikipédia Walking Dead, Survival Instinct, s'il vous plaît, on veut savoir quel studio a fait ça. C'est un Activision Value. Ben, vite, pendant qu'ils cherchent, là, j'ai une autre actualité, là. Non, je peux juste. Oui, ben oui, ben oui, Nick. Mais. C'est qui est payé, la compagnie qui fait le jeu de Duck Dynasty ou le monde qui vont l'acheter 60$? Ou le monde qui regarde Duck Dynasty, on s'entend? Sur Twitch. Moi, je ne catch pas qui va le payer. Eux, ils font un jeu, puis s'il y a du monde qui l'achète, c'est eux qui sont cadres. Mais ça leur coûte de quoi, en quelque part? Ben, ils payent les droits de redevance du IP de Duck Dynasty ou de quoi de même. Je sais pas, mais... Non, mais Duck Dynasty, honnêtement, là, ça, c'est une émission qui est partie de rien. Pasteur, c'est comme tu peux acheter du linge Duck Dynasty chez Walmart. Ouais, mais c'est un jeu de Duck Dynasty, là... Sur Xbox One, là, next gen. Là. On me fait le signe de barbe de hipster en coulisses. Non, eux, c'est des rednecks. Faut faire c'est la différence. C'est pas pareil. Ils sont vêtus quand même. Ils sont millionnaires. Ah oui, c'est vrai, il y avait un Chia Pet Duck Dynasty. Nice. Je voulais l'acheter. Ça cool. Serait drôle. Mais le Chia Pet n'était pas 60$, par exemple. Non. Ben, en tout cas, je sais pas. Chia Pet. Moi, personnellement, par expérience, je sais que c'est le genre de jeu qui va se retrouver dans 2 ou 3 mois à 10-15$ dans des couches d'or, genre. Parce que... Non, je te le jure, parce que la compagnie où je travaillais dans le temps, où qui liquidait des DVD, c'est ça, on fournissait des Rossi, des Walmart, des Canadian Tire, puis c'était tous des jeux de marde qui se retrouvaient très rapidement en passant, des bins pas chers. Internet me susurre à l'oreille que c'est Activision qui a fait Walking Dead Survival. Bon, en plus, fait que Activision, d'après, wake up, t'as Terminal marnaque, Reality, là, c'est le développeur, puis Activision, c'est le publisher. Je serais curieux de savoir qui a fait Duck Dynasty, c'est peut-être Terminal Reality aussi, là. Peut-être, mais en tout cas, je capte juste pas l'existence de ces jeux-là. Je vais renchérir un peu ton point, Milter, parce que, tu sais, l'achat... Surtout un genre de reality show, excuse-moi. Hein. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais c'est ça. C'est encore pire. C'est pas comme... Déjà, Walking Dead, il pourrait avoir une histoire qui peut être peut-être quelque mais chose plein proche de même. Tu sais, écoute, honnêtement, là, quand j'étais au E3 cet été... J'étais dans la salle quand ils ont fait le pitch de Duck Dynasty. Pas de vrai. Je vais vous faire un wrap-up des meetings d'Activision des dernières années. C'est de genre, hey guys, puis là t'as un suit en avant, puis il fait comme Call of Duty. On va pas vous parler de Call of Duty. Call of Duty, vous le savez, savant. Fait que, bam, voici ce qu'on a investi en publicité. Bam, bam. Puis il fait bam en avant, là. Puis là, après ça, c'est comme, bon, OK, il a raison. Call of Duty, savant. Après ça, Destiny. Pff, voyons, Destiny. Bam! Qui connaît pas ça? Bam, bam, bam. Puis là, après ça, OK, là, j'espère que vous êtes prêtes. Ben, j'imagine que ça va être super big aux US. Mais là, on lance un nouveau IP du jamais vu. La gang qui ont fait les jeux de Cabela, on a pris ce studio-là, puis... Bam! Duck Dynasty. Pis c'est le même dude qu'il y avait une couple d'années. Bam! Walking Dead. Pis là, tu remontes une couple d'années, pis bam! Wipeout, genre. Tu sais, c'est comme... Il doit y avoir une branche, cette compagnie-là, que c'est juste... On achète des IP de télévision qui marchent bien, pis on fait un jeu cheap c'est, avec. C'est parce que c'est très rentable, des IP ouais. même. Ça coûte fuck all à produire. Pis ça fait de l'argent, là. Ils doivent pas en vendre tant que ça, là, pis c'est cheap, là. Est-ce qu'ils vont faire les jeunes loups? Oui, c'est un jeu juste pour iPhone, par exemple. Unité 9. Le but du jeu, c'est de payer 1,99 sur le App Store. c'est tout. Puis tu peux acheter des updates à 99 cents à tous les semaines. Oui, puis ça te donne du bragging rights. Parce que quand tu achètes ton update à 99 cents, ça partage automatiquement sur Facebook. Ou Hello, si t'es vraiment cool. Tu sais, Hello, non, E-L-L-O. Cool. Je suis pas dans Hello. T'es pas sur Hello? Je suis pas sur Hello parce que... C'est pas assez cool. J'ai pas encore fini de découvrir VK. Ton cloud vient de manger comme 40... moins 40 non, points de cloud, là. En fait, j'ai vu comme beaucoup de monde parler de Hello puis ça me tentait même pas de m'intéresser à ça. J'ai fait non. Ah, moi j'ai hâte au... Vous parlez du Master Chief Collection, c'est ça? Master... Wow. Ah oui, Hello. Hello! Ouais, ça j'ai hâte de jouer aussi. Ah, ça va être cool. Non, mais moi... Ouais, ça va être super bon sur le PS4. Juste pour... Ou Xbox One, qui sait? L'application Hello. ça serait pas une semaine normale, je pense, récemment, un épisode normal, si j'avais pas un petit mot à dire sur Nintendo. Ils ont annoncé... C'est sa nouvelle chose. Ouais, ils ont annoncé hier... Pis... Attends, Milter, 30 secondes. Je vais te mettre un thème. Oui. Fait que donne-moi comme un 5 secondes de silence, puis on va te mettre un thème genre... Milter, chiale sur Nintendo. Ouais, avec un petit jingle. Que... OK, là, tu peux commencer à chialer. C'est un beau thème, les gars. ben, mon point cette semaine, c'est Nintendo. C'est... Gars, c'est bien cool, là. Ils ont annoncé que ils vont faire du 8 player simultané à Super Smash Bros. Sur la Wii U. Fait que là, c'est comme, wow, 8 players simultanés, tout le monde est hype, tout local seulement. Hostie de bande de retard. 8 players local. Calice. Le monde chiale que vous avez pas de online, du bon online fonctionnel. 8 players. Moi, ce que j'aime surtout local. Dans ce que tu dis, là, c'est que pour le monde qui nous écoute sur Twitch présentement, puis si vous nous écoutez pas sur Twitch, ben, vous passez clairement à côté de quelque chose. Là, mais fitez 6 autres personnes avec vous autres sur le sofa présentement, les boys. Tu sais, mettons, on met 6 autres personnes comme... avec vous autres sur le sofa présentement. Ouais, mais ça me fait penser un petit peu à le 16 joueurs Bomberman, là, ou le 8. C'était-tu 8 joueurs Bomberman? Ouais, qu'il fallait que tu plugues un multitap Saturn, dans un multitap, ouais. Dans un multitap, ouais, dans un multitap. C'est ridicule, à un moment donné, de l'équipement qui... Tu sais, je me dis, OK, j'ai une Wii U, fait qu'il y a quelqu'un dans la gang qui peut jouer avec une Wii Pad. On s'entend que ça doit aller calissement mal jouer avec une Wii Pad à Super Smash Bros. Ouais, mais aussi, t'oublies un point principal, c'est un jeu poche aussi. Peu importe, mais j'ai une Pro Controller, j'ai 4 manettes, 4 Wiimotes, puis il manquerait 2 manettes déjà en partant, là. Tu sais, fait que c'est, il faut que j'achète. Qui a 8 astis de manettes chez eux? Moi, ce que j'aime, là, c'est que... Non, c'est parce que je viens comme d'y souffler un peu dans la face. En essayant de subtilement pas roter dans le micro, mais bon. Mon visage n'a pas trouvé ça subtil. Oh, pauvre Nick, mais... bienvenue à la 50e, Nick. Merci. Ouais. Où je voulais en venir, c'est... Déjà, tu sais, imagine-toi, il y a déjà de la chicane pour que les kids aient le Wii Pad quand ils jouent. Mais là, t'en mets 7 qui l'ont 7 pas, autres, un ouais. Seul qui l'a. C'est clair que ça finit en bataille, ça. Moi, je n'ai 6 manettes, puis je trouve que je n'ai trop d'astis de manettes de Wii U. Là. Fait que là, ils vont dire, mais tes chums, ils ont chamé les manettes. Mes chums, ils n'ont pas de Wii U. On calcule la shot live, là, qu'ils vont vendre des nouvelles couleurs de manettes. Ben, ils veulent que tu jettes en partant l'édition spéciale qui vient avec une manette de GameCube de Smash Bros. Fait que tu sais, c'est ridicule, là, je trouve. En tout cas, c'est comme, mets ça online ou mets-les pas pantoute, là. Ben, parce que, honnêtement, là, même s'il l'aurait mis online, je pense qu'on aurait chialé. Ben, pourquoi? Le monde au pays aurait chialé que ça lag, mais ça, c'est parce que Nintendo a un online de merde, excuse. Mais, tu sais, je sais pas. Hein? Puis là, il y a du monde qui dit « Oh, mais le jeu est trop vite. » Mais oui, mais il y a du monde qui joue à n'importe quel autre jeu, son 16 contre 16, ça se tire dessus, ça a des véhicules, puis ça fait des affaires. Me semble les autres compagnies sont capables de rouler un online de même. Même Mario Kart sont 12, puis ça lag pas tant que ça. Puis en tout cas, je comprends juste pas leur affaire. Le monde ben hype. Là, il y a 8 personnes dans leur salon. Cessez de vous mentir, asti. Vous êtes jamais 8 dans votre fucking salon. Encore moins 8 personnes qui veulent jouer à Super Smash Bros. Permets-moi en même temps d'utiliser mon move super. Vas-y, défends ça. Je vais faire un segue. Oui. Joël Martel. Donc, je vais faire un segue avec mon actualité de la semaine, si tu me permets, Melton. Ben, vas-y. Écoute, c'était mon bout de Nintendo. Toi? Non, mais lui, regarde, il dit qu'être 8 dans un salon, ça serait trop. Moi, pas cette que c'est semaine, trop, ça serait écœurant, mais. Ben, tu vois, moi, honnêtement, là, j'aurais eu besoin de vous autres cette semaine. Parce que, je dois l'admettre, 31 ans, bientôt 32, j'ai joué à Alien Isolation. Et j'ai pas assez proche de faire des pets sauce. Pas le genre que tu fais après avoir mangé une poutine du Vulcano à la chenille, là. Oh wow. Oh wow. La bière est très bonne. C'est la première fois que je la goûte. Ça fitait parfaitement. Moi, je coupe le bout qui dit que la bière est très bonne. Mais c'est Ambroise Oaktage. Continue, André, excuse. Donc, Alien Isolation, le jeu que tout le monde... Il y a eu plusieurs controverses autour de ce jeu-là. Premièrement, le dernier jeu d'Alien... taillait des pipes à au moins 50 individus désagréables. Hein? C'était pas bon. Le dernier jeu d'Alien, il était pourri, OK? Gearbox, c'est quel tu parles? C'est Colonial Marines. Space Marines, Colonial OK, Marine? Ben c'est le shooter, là, genre, le ouais, FPS. Pas bon, là. Tu peux à 10$ en ce moment dans les jeux. À 10 dans les Canadian Tire. Ouais. À 10$, j'y jouerais peut-être. Tu pouvais jouer le Alien aussi? Ah, ben en fait, je pense que mal tous les jeux, tu peux jouer le Alien, si je me souviens bien. Non. Il y en a un que tu peux pas. C'est lequel? Non. Mais je sais qu'il y en a que tu peux pas. Alien Isolation doit, après ça, amasser les précommandes. Fait que là, ils annoncent ça. Puis c'est un des premiers jeux qu'ils ont marketé en disant vraiment, il va utiliser, tu sais, tu peux jouer avec le Oculus Rift. Fait que là, le monde était comme, OK, cool, un first person Alien Survival Horror que tu peux jouer avec l'Oculus, puis le kit. Qui a ça chez eux, un Oculus Rift? Jean-Luc Labelle. Jean-Luc Labelle a un Oculus. On va recevoir au collectif dans un futur très près. Mais PC seulement, excuse. Hein. En fait, ouais, Oculus Rift ouais, et je peux PC pas le seulement. Mettre sur ma Xbox One. Mais Alien Isolation et Xbox One, PS4 et PC. Donc, je commence à jouer à ça. Je l'ai lu en anglais, puis je me l'approprie beaucoup parce que je suis 100% d'accord avec la phrase. Alien Isolation est le jeu que t'as toujours voulu d'Aliens et que t'as jamais voulu d'Aliens. Si moindrement t'es capable d'embarquer dans le concept, t'es capable d'être dans l'immersion, puis vraiment d'embarquer, puis de comprendre, puis de faire « OK, c'est cool, c'est un jeu de survie d'horreur d'Aliens ». Puis t'embarques là-dedans, puis tu t'attends pas à un jeu où tu vas avoir un chain gun, puis tu tires 40 millions d'aliens qui t'attaquent dessus, tu vas triper. Tu joues le rôle de la fille de Helen Ripley, Amanda Ripley, que ça se passe après, ben là c'est fucké à cause de la timeline dans l'espace, mais dans le fond, le Nostromo qui est dans Alien 1, il a disparu, puis Amanda Ripley a jamais eu de nouvelles de sa mère. Fait que là, apparemment qu'ils ont retrouvé la boîte noire du Nostromo dans une station qui s'appelle Sevastopol. Pas Steve et Paul, Sevastopol. Je sais pas comment tu fais pour te souvenir tous ces noms-là. Parce que je viens de jouer il y a pas longtemps. Okay. Fait que non, mais moi, des noms de villes bâtards, de même des jeux, des fois, à un moment donné, je fais OK, la ville commence par S. La ville. Ouais. Ben, tu vois, moi, j'ai une mémoire bâtard, pour des affaires. Je me rappelle pas de la date de fête de mes parents, mais je me rappelle que la station orbitale dans Alien, c'est Sevastopol. Ouais, mais moi, je me souviens de la fête de ta mère. Dans plein, quand tu parles de livres, tout, là, t'es. Yeah. Mais en gros, c'est ça. Fait qu'il retrouve la boîte de vol du Nostromo. Puis là, t'as un gars qui vient voir Amanda. Puis il fait, OK, viens-t'en, on a retrouvé des nouvelles. Tu peux venir, on a besoin d'un ingénieur. Donc, direct en partant, ils te font une mise en scène. Tu es un ingénieur. Donc, tu peux réparer des choses, créer des choses, tout le kit. Quand t'arrives à Sévastopol, il y a un genre de fuck monumental avec le port d'arrimage. Fait que t'es obligé de débarquer en saut spatial puis de rentrer dans la station. Ce qui, direct en partant, il t'isole. Quand tu rentres dans la station, la merde est pognée solide. Il n'y a plus rien qui marche, elle est abandonnée. L'intelligence artificielle qui contrôle les androïdes a pris le contrôle de tous les protocoles de sécurité. Tous les humains sont sa panique, puis c'est genre « me, myself and I », je me défends, mange de la merde, moi je vais survivre, si t'approches, je te shot. La merde pogne, pas après. Non, la merde, c'est cool, la merde impognée, t'arrives en plein milieu de la merde. Fait que, premièrement, ce que j'ai appris en jouant Alien Isolation, fais pas confiance à personne, tu vois un humain, puis c'est comme « t'es qui toi, qu'est-ce que tu fais, fuck off », puis il sort un gun, puis il te plombe. C'est dommage cool, ça. Ça, c'est cool. Deuxième affaire que j'ai appris aussi, les androïdes, c'est genre, ah, t'as pas le droit d'aller là, c'est une zone sécurisée. Mais si tu rentres là, il pogne un gars, mané, puis il pète la tête sur une porte jusqu'à temps qu'elle éclate. C'est super gory comme jeu. Puis troisième affaire que j'ai appris aussi, il y a un alien dedans et tu peux pas tuer le alien. Peu importe ce que tu fais, le but du jeu est que tu ne peux pas tuer le alien. Par contre, tu peux te cacher en dessous d'un bureau, tu peux ramper, tu peux te cacher dans un locker dans un lockers, peu à la Outlast. Oui. J'ai écouté beaucoup sur Twitch aussi de ça. C'est malade, honnêtement. Puis ça me fait chier parce que mon ordi est pas assez fort pour que je le joue puis que je le stream en même temps. Ouais. PC élitiste, rien de moi. Mais le jeu, là, l'immersion est folle, OK? Puis je trippe, sauf que je me suis rendu compte que je suis pissou parce que je joue à ça puis il faut que j'arrête. Tu sais, maintenant, je vais jouer comme 45 minutes, puis à un moment donné, mon niveau de stress, c'est comme, OK, je joue à ça pour me divertir, j'aime le stress que ça me procure, mais là, trop. Je dormirai pas de la nuit, fuck off. Y a-tu, j'ai quelque chose que j'ai pas remarqué vraiment, y a-tu des save points réguliers ou c'est toi qui save quand tu veux ou... C'est toi qui save quand tu veux, t'as un genre de data card que tu mets dans des machines. Ah, c'est pas ouais, mais sauf c'est ça, que... faut que tu trouves le spot, c'est pas du pay start. Pis, mais c'est pas juste ça en plus, parce que quand tu te mets à sauver, vu que c'est du rétro-futur, tu sais, dans Alien, je sais pas si vous vous souvenez, tout est analogue. Ouais. Là, c'est pas un reboot ou un remake, c'est des vieux ordinateurs avec un DOS prompt. C'est des vieilles machines analogues, toute la kit. Cool, c'est vraiment cool. Fait quand tu saves, tu mets ta carte dedans, puis il y a trois lumières. Puis ça fait pip, pip, pip. Puis là, ça save. C'est rendu au deuxième. Pip, t'as un alien qui te crisse sa queue tranchante au travers du torso, puis il te bute. T'as pas savé, t'es mort. Ah, ben tu saves pas quand il est là. Il y a une cutscene, ce que j'ai appris aussi. Les cutscenes sont générées en temps réel. Je me suis fait tuer pendant une cutscene. Ah. Parce que moi, je me suis dit, ah, j'arrive à une place, hey, je vais être sauvé, je suis dans l'ascenseur. Non. L'alien est rentré dans l'ascenseur, puis il m'a tué. Fait que, tu sais, le jeu est vraiment bien fait, puis il te sac une volée, man. Honnêtement, là, il y a du monde qui ont dit, ah, moi, je jouerais pas Alien Isolation, le dernier était pourri, puis t'inquiète. Si t'es un fan d'Alien, c'est pas pareil, pas Outlast, si t'aimes les jeux de survival horror, joue à Alien Isolation, va le louer à la limite, passe une soirée avec. Il est pas super long. Puis, il y a des DLC qui venaient avec aussi, si tu l'avais précommandé. Puis, tu peux faire vraiment le Nostromo. Tu peux faire Aliens, dans le fond, dans Alien Isolation. Fait que ça, je trouve ça super cool. Fait que, moi, j'aurais aimé ça être 8 dans le salon. Parce que j'aurais eu le support moral de 7 personnes à côté de moi. Ou quelqu'un que je peux passer à la manette. Tu sais, quand j'étais jeune, je faisais Resident Evil. C'était comme, OK, là, j'étais curieux ou j'ai trop... Tu sais, je suis tanné ou je suis trop stressé parce que j'ai plus de balles. Puis, pas que la manette. Ben, j'aurais aimé ça avoir du monde. Tu sais, vous autres autour de moi. Tu passais la manette quand t'avais plus de balles. Ouais. Je suis ce genre de gars-là. Là. Okay? J'ai vidé le chargeur, ça a servi à fuck all. Joue. Sors-nous de la merde. Même là, je comprends ce que tu veux dire pour le support, là, mais ça arrive juste pas. C'est ça, moi, je veux dire. Tu sais, qui est plate, ça arrivera pas. Je veux pas te décevoir. Au pire, on va être 4. On est trop rendu vieux aussi. Mais quand on 8, était plus jeune, peut-être. Ça m'est déjà arrivé là, de jouer quand même à beaucoup de gens. Ouais, mais même là, je me souviens pas d'être 4. Tu sais, 6 peut-être là, dans le top. Là, ouais. Puis à un moment donné, c'est comme, hey, on est pas mal, on va-tu dehors? Mais en tout cas. Donc, c'était mon actualité cette semaine. Ça a l'air cool Eric, comme jeu, bon. Pareil. Eric? Ah ouais, ben ouais, non, je peux y aller. Moi, c'est Nick, Eric, peu importe. Qui? Quoi? C'est moi, je vais y aller. Vas-y. Avec moi. Une couple de petites choses intéressantes. World of Warcraft, ils ont eu les. Warlords of Draenor. Ouais, ben ils ont eu le pre-patch, là, qui est toujours le fun. C'est pour les joueurs de WoW, vous savez, là, quand tu as une nouvelle expansion qui sort, ben, un mois avant le launch, ben, le jeu il change tout en avance. Puis il y avait quelque chose de très gros L'événement est un peu random, là, mais t'as plein de petits événements qui commencent en ce moment. Mais le plus gros, c'est surtout pour moi que ça fait plus que... Je pourrais dire fait à peu près un tiers de ma vie que je joue à ce jeu-là. Ça fait plus que 10 ans que je le joue activement. Mon personnage, ça fait... C'est fou pareil quand tu y penses. Ouais. Non, mais c'est hallucinant. C'est puis... pas comme Destiny, là. Non, exactement. Mais qu'est-ce qui est fou dans ça, c'est que mon personnage, Priest, qui est mon paladin, que j'adore, c'est comme j'adore mon personnage. Comme j'ai... On peut faire toute une thèse sur comment est-ce que tu t'attaches émotionnellement à tes bonhommes comme ça. Mais c'est vrai, j'aime mon personnage, Priest, là-dedans. Puis ils ont changé tous les vieux skins. Fait que maintenant... Ouais, là, c'est ça, ils ont des doigts maintenant. Man, mon bonhomme... Au début, j'étais pas sûr. J'ai dû vraiment tweaker un petit peu. Ils ont changé les faces et tout ça. Fait que j'ai dû aller dans est-ce que tu peux le refaire gratuitement, par exemple, ton visage avec la patch? Là, ouais. Okay, ça, oui, quand, cool. Quand t'arrives, quand tu vas... Comme t'as un look de base, mais quand tu vas au barbier... Mais le barbier peut changer ta face et tes cheveux. C'est vraiment des barbiers. Sont magiques, là. Ces barbiers-là. Ouais, ouais. Ben, c'est un monde fantastique, André. Médiéval. Exactement. Comme Milton. Exactement. Ben, steampunk. Des barbiers steampunk fantastiques. Comme qu'on a dit, je pense. Donc, ils ont du sexe bizarre le soir, là. C'est ça. Avec des machines à vapeur. Ouais. Fait que j'ai joué pas mal à ça un peu. Là, je me suis amusé. J'étais vraiment comme surpris du look de mon bonhomme. Il y a des expressions faciales maintenant. La manière qu'il bouge, il y a vraiment comme une pesanteur au mouvement. Au début, c'était un petit peu difficile. Mais tu as eu un feeling de ces modèles-là avec les pandas. Peut-être ça, quand ils ont sorti les pandas, ils ont un look comme ça. C'est vrai, aussi. Bon, j'ai un Pandaren level 90. Et voilà. Fait que lui, il était déjà bien animé. Lui, ils l'ont pas refait. Ouais. Mais je comprends toujours pas comment jouer, par exemple. Mais c'est faut. Puis t'es level 90. Ah, ben c'est parce que quand j'ai pre-ordered Warlords of Draenor, que fous-moi pourquoi, j'ai piché de l'argent, puis... Ouais, André, show, je pense qu'il paye même par mois pour WoW. Non, non, en fait, okay, je paye plus, je l'ai arrêté, j'ai eu 30 jours gratuits. Mais non, ouais, fait que quand Warlords va sortir, j'ai déjà le... On va peut-être essayer, genre un mois, là, mais rembarquer, puis on va faire comme... J'ai aucune calice d'idée de comment jouer pareil, puis je vais débarquer maintenant. Ah, ouais, je vais l'essayer. Ça... Moi, je suis bien content avec le look. Ils ont vraiment changé une couple de petites choses aussi, la manière que tu peux voir tes quests, la manière que tes quests s'annoncent. Je suis bien content, j'ai bien hâte au lancement. Le lancement, ça revient très proche. C'est ça, je pense que c'est le 13 novembre, fait que je suis bien content. Mais un petit bonus que j'avais eu le jour où le patch a popé, ben moi je m'attendais aucunement à ça. J'étais en train de updater, j'étais dans le Battle.net, puis tu as le Battle.net Launcher, puis j'étais en train de regarder l'update, tout ça. Ah, je sais où tu t'en vas. Ben, tu vois, j'ai Diablo, j'ai StarCraft, j'ai tout ça. Puis là, tout d'un coup, un des icônes dans mes jeux qui se sont ajoutés, Heroes of the Storm. Je m'attendais aucunement à ça. Ils ont décidé de me mettre dans leur dernière batch. Parce que Heroes of the Storm est dans une période très étrange. Si on connaît pas Heroes of the Storm, c'est un genre de Dota, League of Legends, etc. Mais Blizzard. Fait que, attends-toi que ça soit un c'est très accessible. Jim Raynor qui se bat contre Diablo. ça c'est juste le tip of the iceberg. Ouais. Mais c'est le jeu comme est vraiment bien, là, comme c'est vraiment un Defense of the Ancients très accessible, très comme tu sais c'est l'équipe ensemble qui level. Les jeux ils durent jamais plus qu'une demi-heure. Ça j'aime ça me fait du bien ça. C'est très facile, t'as pas d'items. C'est toujours une mécanique sur les maps que tu dois faire pour que le jeu progresse. Comme par exemple, il y a une map de pirate, puis à chaque temps en temps, t'as des chests qui apparaissent, puis tu vas attaquer les chests, puis ça te donne de l'or. Puis quand t'as 10 morceaux d'or, ben tu vas le donner au pirate dans le milieu, puis lui, il bombarde toutes les tours de tout le monde. Y a-tu du rhum? Y a pas de rhum, non. C'est pas des pirates. Mais je suis pas sûr, peut-être des bois, je sais pas, j'ai peut-être pas vu la joke. Mais pour ça, le jeu, je m'amuse vraiment énormément. Il est cool, le jeu, honnêtement. J'ai fait le tutorial, là, puis c'est cool. Je capote. C'était vraiment une belle surprise. Je m'attendais aucunement que je sois dedans. Mais comme je disais, c'est dans une période étrange. Ils disent que c'est dans Alpha Test, quelque chose de weird comme ça. Mais je pense vraiment là, qu'on devrait... Ça m'a fait penser à ça. Je pense qu'il faut qu'on revoie c'est quoi un bêta, c'est quoi un alpha. C'est plus pantoute qu'est-ce qu'on est habitué que c'est. Ça représente toute une autre chose. Moi, là, dans mon livre, le bêta, c'est Early Access. Puis même qu'ils disent que c'est Alpha. Parce que moi, quand j'ai commencé à jouer, ils venaient de faire les derniers wipes. Fait que là, moi, je joue. Puis mon compte, il level. Puis il va jamais se faire wiper. Fait que le jeu, il est launché. Mais ils disent qu'il est en Alpha. Mais il est pas en Alpha. Parce que le terme Alpha, c'est un jeu qui est. Je pense que l'arrivée de Kickstarter. Ça veut plus rien. Early Access a changé ce game-là. Mais ils disent alpha, je comprends rien. C'est pour des ça, termes jeu, pour il... flasher. Puis ça va être un sujet excellent à parquer puis à ramener d'un épisode du collectif, justement. Absolument, parler là. De. Tu sais, justement, les concepts de gold, ça pre-gold, alpha, beta, puis un épisode que je serai pas là. Game of the year. Et vous, je vous perds vraiment quand vous parlez, quand vous mettez à parler de ça. Ben, parce qu'avant, alpha, c'était genre. Pas beaucoup de monde qui l'essaye puis on le teste. Beta, c'était genre. On est sur le bord de le lancer. Après ça, il devenait gold. Ça, ça voulait dire, il est certifié, il sort à telle date. Okay. Il sortait. Okay. À Star, c'est genre, tu peux avoir un alpha, que c'est comme Daisy Standalone, qui se fait un an et demi qui est alpha. Puis... c'est quasiment la version ben, c'est ça, tout le monde joue. Puis... le monde parce qu'à Star, tu peux jouer, le monde, ils vendent des early access. Fait... en tout cas, ben, honnêtement, on fera un épisode là-dessus. On le fera, c'est sûr. Mais moi, j'ai même dépensé de l'argent dans le jeu. J'ai dépensé 8$ juste pour m'acheter Outer Lightbringer. Parce que je me suis dit, si je joue, je voulais jouer avec un paladin dans un rôle de support. Puis c'est ça qui est intéressant aussi dans ce jeu-là, le healing veut dire de quoi. Quelque chose que je n'aimais pas trop dans les League of Legends. Tu parles du support, où ce que tu buffes, puis tu fais des petits heals, et cetera, puis là. Mais dans ce jeu-là, là, comme tu heals en crise, c'est vraiment le fun, puis ça change toute la tête d'un combat. Mais c'est ça, j'ai joué à ça. Checker ça. Puis petite note aussi, j'ai dit ça de même, là, j'ai le goût, là, mais... Hearthstone, tu sais, j'ai déjà callé out des gens, Price, ouais. Price 87. Moi, je suis prêt à vous take on avec mon paladin n'importe quand. Personne ne le fait, je sais que tout le monde a peur, je l'ai compris. Mais on n'a pas honte, que c'est un très bon podcast que je ne sais pas si vous écoutez. Qui nous ont fait un petit message en plus au début. Ah, ils nous ont fait un coup, ben ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Tu portais attention, hein? Mais pour ça, pour le message, je ne savais pas. Ben, écoute, Chris. On jurerait que ça a été rajouté après qu'on ait enregistré. Suis un peu, Eric, tu ralentis. C'est comme si on aurait enregistré l'épisode, puis après on aurait fait un montage avec le pre-tape. Je savais qu'il y avait une couple de petits messages, je ne savais pas qui nous avait donné, je sais qu'on avait fait une demande, mais ça c'est hot. Mais ils font un tournoi de Hearthstone, les autres, ce sont leur 3e édition. Je me suis abonné là-dedans, je suis dedans, là, on va voir comment est-ce que... Tu dans les marches du stade olympique à minuit et oui, demi, un jeudi soir? Oui, absolument. Ben moi, c'est là où j'aime jouer. C'est ça. L'esplanade... Fais attention au stade olympique. Les djihadistes canadiens pourraient utiliser cette cible-là. Mais je me suis inscrit. Il va y avoir, je pense que c'est leur 3e édition, c'est le 10 novembre. Ils arrêtent les inscriptions. Allez sur le site On n'a pas honte, Google On n'a pas honte, ou ils sont dans la RZO aussi. Là, fait que tu vas sur leur page Facebook. Mais beau petit tournoi, j'espère que ça continue de même. Tu gagnes rien, mais t'as pas besoin de rien gagner, parce que l'honneur, c'est tout ce qu'il te faut dans ces jeux-là. C'est comme jouer à Mortal Kombat 2 ou chez Papa Cassette, où ce que je fourre à voler à tout le monde. J'ai pas gagné d'argent. Mais c'est-tu que je me sens hâte? Les bragging rights. Oui, parce qu'en plus, je fais aucun finish him comme d'habitude, juste des punches d'un boule à la fin. Let's go! Ah, quoi? Nick? Je m'ennuyais. T'as des nouvelles, Nick? T'as un tatou d'un chat? Je me suis fait tatouer un chat, j'ai arrêté de fumer. Nouvelle personne. T'as arrêté de fumer des vraies cigarettes. Ben, j'ai la cigarette électronique, puis je fume des fois des vraies cigarettes quand je suis chaudasse. C'est un pas vers être geek, de plus geek, ben, ça, fumer ouais. des cigarettes électroniques. C'est un peu steampunk, je trouve. C'est steampunk. J'y croyais plus ou moins, puis finalement, ça j'ai vraiment diminué, je te dirais, là. Plus que de moitié, là. Je fume comme 4 fois moins. Là. Il y a plusieurs personnes que je connais. Je fume un paquet par semaine. Ben, ça fait une semaine que j'arrête. Pour Nick, c'est bon un paquet par semaine. Je fume, pas un paquet par jour, mais je fume quand même beaucoup. Puis là, un paquet de cigarettes, vois-tu, j'ai arrêté vendredi passé, puis je suis sur la fin d'un paquet de cigarettes que j'avais commencé. C'est cool ça, man. Fait que, c'est un beau témoignage. Le but, c'est d'arrêter complètement, mais si déjà je trouve que c'est un pas dans la bonne direction. Mais je pense que ça a fonctionné pour le grand Joël Martel aussi, il est rendu là-dessus. Puis si je me trompe pas, un de nos gros fans, auditeurs, Pierre... Non, mais on va le dire, le Pierre fan numéro Lessec, le fan numéro 1. Sam, on t'aime quand même. Là. Ouais, on t'aime, Sam. C'est Pierre Lessec, il se filme en banque. Là. Parce que moi, ça me prenait quelque chose dans la gueule, t'sais. André. Oh! Non, ça, mais... tu le dis juste comme ça. Non, mais moi, je croyais pas à ça, là, me coller une patch genre sous les aisselles ou manger un chewing-gum. Là. Moi, c'est le même, j'ai arrêté de fumer. Moi, c'est la patch. Ouais, mais moi, la... En tour des essais? Moi, j'ai l'impression que mon problème, c'est plus l'habitude que la grosse dépendance à la nicotine. Avoir de quoi dans la gueule. Mais je parlais avec quelqu'un à la job il n'y a pas longtemps, puis il disait, tu sais, faut tout le temps qu'il occupe ses mains. C'est ça. Il faut qu'il fasse de quoi, qu'il écrive. Une patch, oui, t'as une dose de nicotine qui t'envoie dans le corps, sauf que ça, il manquait de quoi. Fait que là, au moins, la cigarette électronique, j'ai comme un peu l'impression de fumer. Qu'est-ce que tu penses du fait que maintenant, t'es plus un fumeur, t'es un vapoteur? Non. Non, je t'accepte pas le terme encore. Non, je... Mais la vraie question, c'est tu manges-tu encore des sous-marins ou... Oui. OK. Puis, c'est j'ai ça. Jamais mangé des sous-marins, Nick. Ben, moi, j'ai jamais vu. À l'occasion, il mange un sous-marin. Ah, tard le soir, tard le soir. Quand je dors. Tu sais, un covedette, là? Ouais. Sinon, c'est brownies. Ça, j'ai... les brownies. J'ai commencé la nouvelle saison de American Horror Story. Moi, j'ai cru Freak Show. Ma blonde, Freak Show. Moi, j'ai adoré. Je trouve que c'est un bon clin d'œil à un de mes films préférés, Freaks, qui est sorti un classique. En 1932, quoi même. C'est un film qui se passe quand dans on un était jeune. Là. Avec des vrais freaks. Puis dans la série, il a l'air d'avoir des vrais freaks. Là. Je pense que c'est pas tout des ben, make-up. Un des personnages principaux n'est pas un vrai freak. Celui avec les mains. Les mains, ben, tu sais, celui qui a des mains Ninja Turtles. Oh, mais ça, c'est l'homme pingouin. Là. C'est ça, mais lui, c'est pas un vrai freak. Non. Mais l'autre avec les bretelles, là, puis les petits bras. Ouais. Là. Puis la petite, là, la petite indienne. Ouais, là, cool. Elle, c'est vraiment la plus petite femme au monde. C'est une vraie freak. Ben, elle avait passé dans le record Guinness, la plus petite femme au monde. Je sais pas combien qu'elle mesure, mais vraiment minuscule. Il y a combien d'épisodes sortis à date? J'ai pas Je pense qu'il y en a trois. T'es sûr? Ouais. Deux ou trois. Ben, je pense que le troisième, sortait cette semaine. L'actrice principale a chanté du Lana Del Rey, je pense, dans le dernier. Ouais, ben, puis ça, à chaque épisode, il y a comme le premier épisode, il y a Jessica Lange qui joue le rôle de, comme c'est la propriétaire du site. La Ringmaster. Ouais. Elle joue, elle chante une tune à David Bowie, qui c'est vraiment cool. Ouais, c'est non, c'est pas Starman. C'était pas Starman. Rebel ou Starman? Je pense que c'est Starman. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, mais le dernier épisode, c'est Lana Del Rey. Elle fait une vieille Ruskov, genre, qui aurait pu devenir quelqu'un. Mais oui, il y a mais que sa carrière est déchue, fait qu'un Ringmaster du... J'étais content de voir les. Ils ont mis les Pinhead là, comme dans le film Freaks. Là, je l'ai dit. Ah, c'est cool. Fait que, j'avais pas vraiment trippé sur les autres saisons, en fait. Mais c'est le genre de série mais que. Ça suit pas. Ça suit pas. Fait que c'est juste. Suit dans une saison. Tu sais, il y a eu l'asile, il y a eu l'année passée, c'était les sorcières. Maison, c'est tout le temps le même monde. Moi, j'aime bien les mêmes acteurs dans Missouri avec la femme à barbe. Là. Ouais, c'est Callie Bates. Ouais. Elle est bonne là-dedans. Hein. Ouais. Ouais, quand même des bons acteurs. Ouais. Puis, puis c'est ma découverte parce que j'avais pas suivi les autres saisons, puis ça m'intéressait plus ou moins. Puis là, celle-là, je me dis, ah, ok, c'est un sujet qui vient me chercher quand même. J'aime les freaks en général, les freak shows, les side shows, les vieux cirques des années 50, 60. Ça... Fait que, ouais, c'était cool. Sujet à part, t'écoutes-tu encore The Walking Dead? Ouais, je suis Walking Dead aussi, j'ai commencé ça. Qu'est-ce que tu aimais à date? Sans spoiler le début, les deux premiers épisodes. J'aime bien, là. C'est pas pire. Attachez-vous pas à Bob. Pas de spoiler. Hey, j'adore Nick le look de Guissard, il est tout fier de son coup. Là. Il est pas mort. C'est vrai. Il est pas mort. Il était pas mort quand il nous parlait à Comic-Con non plus. Puis... Il est pas mort. Moi, je peux-tu rajouter une actualité? Ouais, je vais faire de quoi d'inédit, mais c'est la 50e, puis not giving a fuck. Ben, si c'est que si je pense, là, je veux rajouter de quoi là-dessus, puis je vais peut-être la dire en nombre. On peut-tu parler de Hatred aussi? Ben, ah, hey, oui. Attendez, je suis prêt à en parler. Moi, je veux parler de quelque chose de joyeux avant, par exemple. Oui, je vais faire deux oui, suggestions, parce que j'aime ça faire des suggestions. Des fois, je découvre des affaires, puis c'est le fun, j'aime ça en parler. Vas-y. Deux albums qui rendent mon automne joyeux. Le premier album que je vais vous parler, c'est un band que ça fait un petit bout qui existe. Ils ont fait un premier album qui s'appelait exactement You're a Woman, I'm a Machine, qui est sorti en 2004, qui s'accorde super bien avec une moussed. Son canadien. Nouvel album de Dead From Above 1979, The Physical World, qui est sorti le 9 septembre dernier, que j'étais passé à côté carrément. Mais il y a une toune qui joue sur NHL. Trainwreck, ouais, Trainwreck, que j'aime bien. Ouais. J'ai pas écouté l'album au complet, mais cette toune-là, elle s'écoute bien. Mais la première toune de l'album qui s'appelle Ride on Frankenstein. En fait, je pense que c'est Cheap Talk, puis après ça, il y a Ride on Frankenstein. Mais anyways, ça commence comme une crise de tonnes de briques, là, puis tu sais, une toune d'album. Ça start, là, puis cet album-là, Physical World, honnêtement, c'est un must pour moi. J'ai pogné le long jeu, parce que maintenant, j'achète certains longs jeux en tant que fraîche pète, là. Mais gars, honnêtement, c'est malade. Ça se passe de même, c'est parce que j'ai le vinyle, puis en même temps, j'ai la version que je peux downloader légalement. Dans parce qu'il m'a donné vinyle, avec. Ouais. Fait qu'au lieu d'acheter juste le CD tout seul, puis de brailler, ben, Star, j'ai le meilleur des deux mondes, là. Fait que, gars, album qui est écœurant. Mais moi, Death From Above, j'aime ça. Mais j'ai toujours aimé mieux les remixes qui sortaient. Il y a eu des fucking bons remixes qui ont sorti. C'est comme... Puis c'est cool d'être From Above, mais il y a des remixes qu'ils ont fait là, que c'est comme... Okay, ça clenche l'original. Là. Parce qu'il sans changer la tune, mais il reste juste un beat qui est un petit peu plus lourd. Puis... Ouais, Puis tantôt, tu vois, pendant qu'on mangeait la pizza... C'est ça les rapports. Tu parlais de ta nouvelle amour de Lord, Nick. Fait que je viens de t'aider à faire un coming out que tu aimes Lord. Ouais, j'aime Lord. Oui, je vais l'avouer, j'aime Lord. Une petite fille de 16 ans. Hein. Ben, une petite fille de 16 ans qui fait. Ah, pas 16, là. Ou un géologiste de 43 ans. Non, mais qui fait quand même de la musique originale, qui fait pas de la pop. C'est pas de la pop. Je dis pas que toutes les filles de 16 ans font de la pop. C'est mais pas du Taylor ce Swift. Sort, pis ce qui c'est ça. Shake it up. Ce qu'on voit, nous, en tout cas, ce qui pogne. C'est Taylor Swift. C'est un petit peu comme Ariana Grande. Non. Je connais pas Ariana Grande, c'est mais. C'est pas la fille qui joue dans Family quelque chose. Hein? Je sais pas. Ariana Grande est assez. Family Feud. Je pense qu'elle est aussi populaire que Lord. Non. C'est pas pareil. Mais elle fait dans le même genre de musique. C'est pas pareil, pas en tout. Mais où je voulais en venir avec ça, c'est que. J'ai découvert un autre album qui est quand même vraiment cool pour l'automne. Le moment où vous vous sentez un peu relax, tristounet, ou bien vous voulez de la petite musique d'ambiance, vous êtes au bureau et toute la kit. Un groupe de la Nouvelle-Zélande. Comme Lord. On parle de Broods. Ouais, on parle de Broods qui font un peu indie pop, électro, électropop, toute la kit. Ils ont sorti l'album Evergreen le 22 août 2014, puis j'étais passé carrément à côté de ça. Puis, c'est des covers de Lord. De fouiner. Non, c'est pas des covers de Lord. Honnêtement, là, c'est difficile à décrire. Tu les gars qui ont la télésérie aussi là? Non. Non. En fait, c'est un homme et une femme. Ah, ok. C'est Georgia Knott puis Caleb Knott. C'est comme White Stripes un peu. Peut-être qu'ils vont essayer de faire semblant que c'est un frère puis une sœur puis qu'en réalité ils couchent ensemble puis c'est un homme et une femme là, mais je connais pas leur stratégie marketing encore. Ouais, mais ils couchent ensemble. Ben non. J'ai pas. Qui sait? Dans ce monde musical. Personne de folie. C'est ça le mystère. C'est pour ça que t'achètes des albums. Tu penses que t'écris dans les credits. Mais c'est tu penses qu'à un moment donné, tu vas comprendre les paroles. Ils étaient ensemble, eux autres, là, les White Stripes. C'était un frère et une sœur. Oui, oui. Ouais. Non, mais... c'est pas un frère et une sœur. Mais ils couchaient ensemble pareil. Ouais, peut-être. Non, mais je pense que c'est un couple qui s'est séparé. Qui met toi ta tête. Mais Georgia Knott m'a charmé avec sa voix, même s'il y a de l'autotune dedans à côté. Des bons petits beats au-dessus. Honnêtement, album écœurant. Elle est pognée Evergreen. Les pistes que j'ai bien aimées, donnez-moi de petites secondes. Il y avait L.A.F que j'ai adoré. C'est en et j'ai aimé Evergreen. L.A.F. Ah, okay. FAP? Oui. Mais je sais pas lire. C'est les pistes que j'ai vraiment aimées. Sans joke, Broods, allez essayer ça. Petite musique pour l'automne. Je suis pas mal sûr que vous allez aimer ça. Si vous n'aimez pas ça, ben écoutez, envoyez-moi des hate mails sur Twitter. Ouais, je vais faire ça. Uzumaki QC. Je vais me faire un nouveau account juste pour t'envoyer du hate. Excellent. Donc, ce que je vous propose... On voulait parler bien vite. Moi, okay. De Hatred. Hatred. Non, le jeu Hatred. Moi, j'ai hâte de jouer à ça. J'espère que ça va. Ah, le simulateur de meurtre? Ouais, genre. Mais moi, je trouve ça drôle parce que tout le monde a vu le trailer, ou presque. Toi, Nick, tu l'as vu, c'était le bout de jouer. Moi, je l'ai pas vu, mais... Mais c'est quelque chose de drôle, c'est que la compagnie a sorti le trailer et le lendemain a carrément sorti un dossier de presse, si on peut dire, qui dit dedans, on a sorti ça juste pour faire du marketing puis faire parler genre le plus possible du jeu là. C'est pas juste ça. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que ça marche, puis ça nous ramène dans le temps de Grand Theft Auto 2, hein, les années 90, où toutes les matantes puis que les gouvernements capotent. Puis check à ce temps aujourd'hui, Grand Theft Auto, c'est un des jeux qui vend le, qui a vendu le plus au monde, je pense. En tant que tu faisais de la poudre puis tu jouais des jeux. C'est, ouais, c'est dans le temps, quand on avait 14 ans, là, c'est dans ça. Ce temps-là. Là. Puis là, c'est la même affaire qui se passe. Il y a déjà des pétitions pour pas qu'il le jeu sorte. Ben oui, tu sais, c'est ridicule. C'est le cool. Jeu va sortir parce que techniquement, puis j'ai vu des articles là-dessus, le jeu vidéo est une forme d'art. Et en tant que forme d'art, il a le droit d'exister. Ben oui. Fait que le jeu ne sera pas banni si une compagnie est en train d'investir des millions dessus. Mais la seule affaire que je trouve plate, c'est qu'il te le montre avec une belle intro, des belles cinématiques. Puis si t'es moindrement capable de faire la différence entre des cinématiques puis du gameplay, ben le gameplay, sérieux, ça a l'air d'un genre de skin de Diablo vu de haut. Ouais. Comme un hack and slash style, puis tu ramasses des armes ou tu rentres dans un building puis tu tues du monde pour rien. Puis c'est mieux en gros d'être un jeu d'arcade, si on peut dire, ou un jeu, mettons, s'il sort sur Xbox One, là, un jeu à 25$ téléchargeable. Ah ouais. Viens pas me vendre ça 70$ en me faisant croire que c'est un full game comme un Battlefield ou un Halo ou un Infamous ou un Last of Us ou peu importe, là. Personnellement, mais j'ai hâte de jouer. Le trailer que j'ai vu, mais ça avait l'air cool. Là, c'était ouais. Du monde dans la face avec un couteau, c'était en frite. Je trouve ça a l'air super le fun. Là. Sérieux, là. Cool. Raper du monde sur le bord de la piscine, des naillants, pis tout. Là, ben, tu sais, je parle, c'est comme la coche de plus. De... Cool. C'était quoi l'autre jeu, Manhunt? Ah, Manhunt, ben, aussi, il y avait fait... eu des. Ben oui, le monde chiolait à cause que t'étouffais des personnes avec des sacs en plastique en leur défonçant la face avec ton genou, tu sais. Rien que ça, là. C'est la réalité d'aujourd'hui. C'est ridicule. C'est pas comme si c'est des djihadistes canadiens. Il m'a du fun à éditer cet épisode-là. C'est incroyable. Donc, courte pause. Censuré, André. Suite après cette actualité, on va faire une courte pause et ensuite, on revient pour le sujet de cette semaine, le collectif. Oui. Nous sommes de retour! Bon! Tu recordes-tu? Ben là, écoute, après ce gâteau... Là, ça rec, ça fait un crise de bout, en fait. Après cette bouteille de bulle fournie par Nick et ce gâteau fourni par ma douce... Très bon. Très bon gâteau. Ouais. Comment tu décrirais les noix, Milton? Allergènes? Très allergènes. Très... C'est beaucoup de noix, c'est ça. C'était des gros noix. Le genre de noix que j'aime mettre dans ma bouche. Des gros noix. C'était des gros noix. Genre de noix que j'aime sucer dessus longtemps. Là, tu sais, là, T'as ramollé un peu. Mais ouais. C'est parce que c'est là qu'elle goûte. Ouais, plus que tu l'as dans ta bouche longtemps, la noix, mais plus c'est le fun. Donc... Guys, le sujet de ce soir. C'est de couper ça. Non, mais faut que je coupe un moment donné. Donc, c'est un beau mot pour comme. Ouais. Beau yel. Mais. Un segway. C'est un segway. Je vois le martel. 50 épisodes du collectif. Incroyable. Moi, je pensais que tu planterais après 3. Ça tombe bien. Moi, je pensais après 2, c'était pour être la c'est fin. C'est ça qu'il était au début. C'est ça, lui, il a fait... C'est sûr que ça planterait après 3. Plantez-vous, j'ai déjà dit, c'est un épisode que j'attendais de voir. OK, ça marche. OK, moi, je vais embarquer. Non, mais pour vrai, c'est vraiment au cool. 5-6e, blague je pense, à part, je trouve ça vraiment cool. T'sais, moi, j'ai comme débarqué de mon propre gré parce que je... C'est pas... T'es là pareil. Ouais, je suis là pareil. T'as débarqué. Mais je trouve ça cool. Ça faisait longtemps que tu me parlais de ce projet-là, puis déjà 50 épisodes. Je trouve ça cool que ça marche. Pour une fois que ça marche, toujours de plus en plus. Ça va vite, hein, je pense que ça, ça va de mieux en mieux. Là, vous êtes avec Rezo. On est avec Rezo, effectivement. J'adore, man, ça, la favela brésilienne, le rap, là. C'est meilleur familia. RZO est le meilleur groupe rap brésilien. C'est comme un Wu-Tang brésilien. C'est un Wu-Tang brésilien. Ils vendent des leaks. C'est comme des beats, mais au Brésil. Ouais. Des copies de beats. Leaks, genre les poireaux, là. Ouais, exactement. Là, hein? C'est des leaks. Hein? Leaks. Ah, OK. Donc, hey, guys. Là, premièrement, c'est la première fois en 50 épisodes qu'on a un épisode à propos de nous autres. Ça sonne très prétentieux. Très. C'est comme un peu de la masturbation. Est-ce que c'est parce que. C'est... Non, non, mais on s'entend, là. On est en train de se frotter dans le but de se donner du plaisir. Ouais. Pendant les prochaines minutes. Et on espère que vous faites pareil en nous écoutant. Milter surtout. C'était wrong. Avec du peanut butter. À plein de... Plein de niveaux. Plein de niveaux. Mais on pense pareil. Mais honnêtement, regarde, 50 épisodes, ça a parti d'une idée... on va dire les vraies choses. Ça a parti d'une idée sur la brosse. Ouais. Ça a fini qu'on s'est retrouvé à un paquet d'endroits random, sur la brosse. On a couvert des événements sur la brosse. Il y a une émission pas de bière. Écoute, honnêtement, peut-être un. Je vais essayer de trouver un segment d'un épisode pas de bière. Donnez-moi 5 secondes. Non, t'en as fait un épisode à jeun, je m'en souviens. Ouais. C'était l'épisode après que t'avais fait un épisode vraiment chaud. Ouais, mais juste... Ouais, mais ça, c'est à cause de ma conscience. Attends, c'était quel épisode? Hey, il y en avait un même, on avait vu lequel, en tabarnak. Il y en avait un que t'étais vraiment rond, puis l'autre épisode, lunettes. T'as fait comme non. Ah ouais, mais hey, j'avais mes lunettes fumées en dedans. Ouais. Si quelqu'un connaît André, puis tu bois avec André, si les lunettes sortent, c'est une bonne soirée. C'est juste ça que m'a dit. Puis ça se peut-tu que c'était après qu'on avait fait notre critique de vidéo de drop, c'est quoi ça, j'ai oublié comment ça s'appelle, le Harlem Shake. Non, c'était pas après le Harlem Shake. Harlem Shake, la c'était avec les show, gars, man. De Toy Company, c'est ouais. Ça, ouais, les gars de Toy Company, on avait fait le Harlem Shake, mais la shot que j'étais chaud, c'était chez Nick, je pense que c'était l'épisode de fucking Fantasia avec Mike, man, qu'on avait parti sur le fucking moi, j'ai rhum, là. Moi, j'ai des photos de ce wreck-look. J'ai une bouteille de Gosling. Puis on l'a quasiment stoppé, même, de ouais, bouteille de Gosling. Parce qu'on faisait des jokes de Ryan Gosling. C'était l'épisode qu'on avait commencé dehors, puis que c'est mis à mouiller. Avec Mike Garceau, ça. On a mangé, quoi, du sougaï de... Attends, la maison des Méchinois. Les centres des Méchinois. Centre des Méchinois de Mont-Royal. Sur Mont-Royal, qui... En passant, man. Qui était meilleur chinois, man. Si on aurait une commandite. Si on avait une commandite pour le collectif, ça serait le centre des Méchinois, man, sur Mont-Royal, honnêtement. Là, et la bière. Et la bière. Ouais, hey, honnêtement, et, là. Et plusieurs centres de bière. Le pion noir. Le pion noir, ouais, mais le pion noir, lui, honnêtement, regarde, écoute, connais-tu un autre architecte de la ludothèque? Non. Aucunement, moi, okay. En fait, je fais sûr que pas dans Nick, connaître. Est-ce que tu joues à des jeux de société? Oui. Bon, okay. Est-ce que t'aimerais ça pouvoir avoir des jeux de société différents? Comme Monopoly, mais avec des villes canadiennes. Oui. Oui, ok, good. Admettons, Nick, que t'es dans un party pis quelqu'un sort Scrabble, tu fais quoi? Calisse, c'est le jeu de merde. Je joue. Tu joues? Ok, ben moi je dis que c'est de la merde. J'aime Scrabble. T'aimes ça Scrabble? Ok, good. Ben écoute, il y a du monde qui aime Scrabble, pis on juge pas personne. J'aime faire des mots. Un peu creepy. Donnez-y plus de bière. Mais... Non, mais écoute, honnêtement, quelqu'un te sort Scrabble non, ou quelqu'un te sort Boss Monster. Balls Monster? Non, Boss Monster. Balls. Boss Monster, c'est pas ce genre de party-là. Nous autres, on y va pas. Calme-toi, Nick. Oui, oui, Boss Monster, ça m'intéresse. Bon, mais tu vois. Quand est-ce qu'on joue? Écoute, quand est-ce qu'on joue? Très bonne question. Faudrait déjà l'acheter sur lepionnoir.com, l'architecte de la ludothèque. Oh! Oh! Hey, attends! Oui, Nick, t'as compris. C'est le moment de la chaîne, là. Oui, j'ai adoré comment est-ce qu'il a aucunement compris du début. Mais depuis le début, il est comme Chris, est-ce qu'il s'en va, lui? Pourquoi Boss Monster? Ouais, Boss Monster, j'aime ça. Pis... Nick, lepionnoir.com, un paquet de jeux tout en français. C'est le pion ou le pion noir? Le pion, pas le pion. C'est pas l'opinion noir. C'est le pion noir. Comme un pion d'échec. Le pignon noir. Le pion noir. Comme Anne, la maison pignon noir. Non, non, pion. P-I-O-N. L-E-P-I-O-N noir. D'accord. D'accord. RZO Web, mais 5% de rabais sur vos achats. Ouais, c'est le code, ça, justement. RZO ouais, Web. Ouais. Mais c'est un jeu, ça, pour vrai? Ben, Boss en fait, Monster. C'est plusieurs jeux. C'est non, mais. C'est au-dessus de 500. Boss Monster. Boss Monster, non. Boss Monster, oui. Oui. Boss Monster, c'est comme Munchkins. Wow. Non, mais. Bon, mais je vais arrêter de créer un malaise. Moi, je pense à des bangs, là. Tu penses à des bangs? Munchkins, okay. C'est pas des... lepionnoir.com, RZO Web, 5% de rabais. Allez là-bas, achetez vos jeux de société. Et qui sait inviter le Geek Collectif à une de vos soirées de jeux de société? C'est où le pion noir? C'est partout, site web. Nick. C'est Internet. Internet, là. C'est sur le cloud. Le pion noir, là, Nick, je vais te résumer ça. C'est toi, c'est moi. C'est peut-être même Eric. C'est Eric. C'est Eric, mais pas Eric. Mais Eric en même temps, c'est Internet. Internet, c'est où, Nick? dans ton téléphone. Dans nous autres. Partout. C'est comme un dieu, mais qui existe. Es-tu un dieu, Milton? Non, mais sur Internet, alors, oui. Oh! 50e du Geek Collectif. Tout ça pour dire que si autre que le pion noir, on était pour avoir un autre commanditaire, ce serait la maison chinoise de la bouffe. C'est le quoi, centre des mets chinois de Montréal. Centre des mets chinois, c'est ça que je disais. Qui écoute notre podcast religieusement. Oui, ils font jouer dans le restaurant en boucle, je pense. Ouais. Honnête, hey, on se donne ça un challenge? Non, mais là, je suis très sérieux. Un peu sa bière, mais très sérieux. Il a pas ses lunettes. Attends. Pas encore. Ils sont dans mon char. Mais si tu vas le chercher dehors, ça, c'est du epic podcasting skills. T'sais. Mais non, mais honnêtement, moi, je nous donne un défi. D'ici l'épisode 100, j'espère que ça va pas fermer avant de dire ça, parce que je vais être triste en tabarnak. Mais saison 1, épisode 100. Faut qu'on enregistre une fois au centre des mets chinois de Montréal. L'épisode mais live. Le pire, c'est qu'il n'y a jamais un chat. Le monde appelle. Ils font tout livrer. On a ben mangé ensemble une fois, hein, c'est ça. La serveuse était super cool, un peu sarcastique et sèche. Ben, je sais qu'elle nous disait qu'ils songeaient à fermer comme. À faire juste un petit comptoir du take-out puis faire la livraison parce que la place est quand même grande. Ils payent trop cher. Le plateau Mont-Royal, ça doit être hyper cher comme loyer, mais le monde ne va pas manger sur place, mais ils font la livraison à côté. Le sougaï est et tout simplement ils font du cash à livraison, faut qu'ils perdent trop pour la... Moi, je traite pas sur le poulet, puis je traite pas tant que ça sur la bouffe chinoise. Ça tombe bien parce que du sougai, il y a pas de poulet là-dedans. Non, mais c'est pas du poulet sougai, là. Ouais. OK, mais eux autres... Ça dépend où tu commandes, mais au centre des mets chinois, c'est du poulet. Il est bon, parce que, en tout cas, quand je vais au buffet chinois, d'habitude, je mange des onion rings, puis... Des ailes de poulet. Va chez AIW, rendu là. Ce que je n'ai pas volonté chez AIW. Puis ils sont faits avec à main qu'ils disent. Là, c'est comme. Puis pourquoi tu fais ça avec tes mains? Hein, si tu touches pas à mes onion rings. Ok. Ce qu'ils fassent avec toi, c'est les pieds. Ok, là, j'utilise mon veto d'animateur un peu sur l'état de la bière. Mais 50 épisodes. Oui. C'est quoi vos moments mémorables, vous autres, du collectif? Nick, c'est pas comme si tu en avais un peu moins, là, mais tu peux y aller. Ouais, mais Nick, il a écouté tous les épisodes. Là. Non. Nick est toujours avec nous autres. Non, mais j'ai écouté beaucoup d'épisodes, mais je l'ai dit souvent à André, moi, je sais pas si c'est chez nous, quand je l'écoute en direct, oublie ça. Moi, ça marche jamais, le Twitch, là, ça chie à bout de champ, mais ça, c'est peut-être moi. C'est pas fiable, Twitch. Mais sinon, les épisodes, il y en a que ça download juste pas. J'essaye, puis ça download pas. C'est-tu parce que t'es sur iTunes? Je suis pas sur iTunes. Tu nous as-tu donné 5 étoiles sur iTunes? Je vous ai jamais donné une crise d'étoiles. Peut-être que tu devrais nous donner 5 étoiles sur iTunes, tout comme nos auditeurs. Mais j'ai pas iTunes. Ok, je vais arrêter les shameless. C'est pour ça que ça marche pas. Ouais, c'est ça mis gratuit. J'ai pas iTunes, pour vrai. Honnêtement, le gars, on va dire les vraies choses. C'est quoi vos moments mémorables de l'aventure? T'sais, on a eu 50 épisodes. C'est quoi vos trips? Moi, il y en a plusieurs. Là. C'est beaucoup même, là, dans un sens. Là. Mais admettons, dans le flow de la conversation, que tu auras à choisir un puis laisser tout le monde parler. Là. Juste en partant, je dirais toutes les fois qu'on est allé au Comic-Con ensemble, que ce soit la première ou les deux fois, dans le fond, qu'on est allé ensemble. Là. Mais les deux fins de semaine, on s'est fait du fun. On a eu, pas rien qu'au Comic-Con, mais à l'hôtel, dans l'enregistrement, nos sorties à aller chercher de la bouffe. Puis... Juste ça se peut qu'on y aille une troisième fois, j'ai déjà des papillons dans le ventre à y penser. Ben, moi j'ai le goût, en tout cas, je vais essayer d'économiser pour. Moi, je vous confirme que, honnêtement, on revit l'expérience. Right! Exclusif André, je suis content. Exclusif info, vous allez avoir un autre épisode à Québec. Montréal, Ottawa, Comic-Con. Parenthèse, ici. Écoute, je suis comme déchiré, parce qu'en Québec, fin de semaine... Québec, c'était en fin de semaine. Il y a... Là, demain. Québec Comic-Con, demain. Ouais. À soir avec. À soir et demain, ouais. Il y a Zombie de Hérole à Verdun. Puis en plus, il y a l'enregistrement live d'Halloween des Mystérieux Étalants demain qui est au pub Brouhaha, si je me trompe pas. Ouais. En effet, il y a du stock qui se passe en fin de semaine. Mais je m'en vais manger du camembert. Vraiment king des plugs à soir. Ouais, mais j'aime ça. Ouais, mais autre que le Comic-Con. Là, mais le Comic-Con à Ottawa, justement, c'était des bons moments. C'est ça que tu disais que c'était Moi, j'étais dans mes moments top, là, entre nous autres, là, si on peut dire. Moi, là, j'ai aimé, puis je veux pas aller dans trop les détails de notre aventure, mais j'ai adoré la deuxième journée où ce que on est allé manger au Cora, puis on a même une belle photo de nous autres qui est sur la page. Ouais, ouais, Kamel l'avait pris, là. Kamel l'avait pris. Mon déjeuner était très spécial, tu sais, je ne sais pas souvent, mais tu sais, on a des chips au Ahoy, là, pour déjeuner, puis c'était quand même correct. Je m'a toujours me rappelé de ne pas penser que mon corps existait pendant cette photo-là. Puis, fallait que je le dise. C'est une vraie vérité, je me demandais où est-ce que j'étais, puis je suis bien content de ça, puis c'était vraiment une bonne mémoire. moi honnêtement, pendant que vous aviez c'est vrai, j'allais dans la chambre de bain puis je me disais c'est tout vrai. Moi je me souviens, j'étais avec Nick, puis j'ai regardé Nick, puis je dis les chips Ahoy viennent d'embarquer pour le reste de l'équipe, je pense. Puis t'as Eric qui écoute une conférence, puis à un moment donné je me rends compte que Eric il écoute pas la conférence. Eric il écoute ce qui se passe au-delà de la conférence. C'est comme, t'as une conférence, puis en arrière de ça, il y a d'autres choses que tu peux juste accéder si t'as mangé un sous-marin ou si t'es sur Chips Ahoy. Et assez de biscuits, ouais. Puis, moi, je vous ai pas accompagné dans cette aventure-là de Chips Ahoy. Moi, ça m'a rien fait. Puis, c'est... je me souviens juste voir, tu sais... aux pauvres personnes qui étaient sur Dalhousie cette soirée-là. C'est boire, man. Mais honnêtement, ça, j'avoue que c'était toute une aventure. Tu sais, le fait du podcast en char, la chambre d'hôtel, Nick qui dit qu'il peut pas sortir parce qu'il a enlevé ses souliers. on s'est lancé des gros projets, pareil, quand tu y penses, comme premier shot, si on peut... Ça faisait combien d'épisodes? Même pas 20, là, avant notre premier Comic-Con. Hey, on couvre des événements depuis, je pense, c'est 15 épisodes. On s'est dit, on couvre l'événement, puis on fait quoi en char, là, pour... Je pense que ça venait... Je me souviens pas, je pense que moi, j'avais mentionné que j'écoutais des Doug Loves Movies, puis que des fois, il en faisait en char. Puis là, tout a dit, c'est totalement possible. On peut faire ça. Puis tout, fait que là, on est parti avec l'idée de... On a changé comme trois fois en chemin, je me souviens. On avait commencé avec le laptop la première fois, après une affaire que t'avais achetée, après un iPad, puis... En tout cas, honnêtement, là... Où on a fini avec le laptop parce que le reste, ça marchait pas. Est-ce qu'on a acheté des affaires puis cette crise de podcast-là, man, ça a pas de sens. Je passais d'une affaire qui se pluguait dans l'iPad, puis tout. Puis à ce temps, on a nos micros, mais honnêtement, là... C'est de la série. C'est de l'ambition qu'on a eue. T'sais, au début, ça, c'est comme nous autres, la gang de clowns. Oh, ben, on a 12 épisodes en arrière de la cravate. On couvre un événement. Ouais. C'était fuck all. On part trois jours. Trois jours, ça brosse à Ottawa. Puis. Ouais. Hey, non, regarde, c'était. Du vrai journalisme. Oui, du. Le pire, c'est que, tu sais, là-dedans. Puis là, ouais. Qui tu vas croire? Tu sais, mettons, tu lis un résumé de Ottawa Comic Con, le kit, tu sais. On est parti là en tant que passionné, quasiment rien. On s'est loué une chambre d'hôtel à 5. On est parti là avec une coupe de bière. Puis... Une coupe? Ouais. En tout cas, allez voir les photos, on vous invite à aller voir ça. Mais, tu sais, honnêtement, là, je pense, ce qui a tout le temps fait la force du projet, c'est que, comment je peux te dire ça? Il y a comme un mur, OK? Puis le mur, c'est comme... on n'a pas les fonds, on n'a pas la technologie, on n'a pas l'attitude, on n'a pas l'expérience. Mais à toi et Shot, on est tout le temps allé se crisser le front dans le mur puis te faire fuck off, on le fait pareil. On va s'arranger. Vraiment, regarde, 12 épisodes, on fait ça de couverture médiatique d'un événement. Ben oui, pas de trouble. Puis on est allé le faire pareil. Puis on s'entend que on le fait de notre. Tu sais, comme t'as dit, les fonds, là, c'est de notre poche, là. On n'a pas, on n'a jamais fait, puis je dis pas ça pour avoir quoi que ce soit, mais on n'a jamais vraiment fait une scène avec le podcast, là. Puis c'est tout de notre poche. Je te confirme qu'on n'a jamais fait une scène avec le podcast. En tout cas, s'il y en a, je suis pas au courant, André. Mais le pire, c'est que, tu sais, check ça. On couvre ça, là. C'est de l'hôtel pendant 4 jours, du gaz, puis notre temps, puis on y va passion, là. En même temps. C'est notre passion. La manière que je le vois, c'est qu'on fait ça parce qu'on aime ça. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Mais l'enregistrement, le podcast, c'était l'angle des médias sociaux, là, qui est tout un autre monde qu'on vit en passant. Là, que ce soit de l'MR de Comic-Con, que ce soit toutes les autres affaires fucked up qu'on voit dans le monde, ça fait partie de publier nos activités comme ça, puis c'est le fun. Fait que moi, je vois tout ça comme le bonus. Le reste, man, je suis dans un Cora à manger des chips Lay's avec du monde que j'aime. Ouais, mais honnêtement, c'est ça qui arrive, c'est qu'on on s'est claqué une aventure, tu sais, on est parti, puis tu sais, puis faut être très réaliste. À la base, faire un podcast, c'est un peu prétentieux, tu sais, c'est se dire, Puis je sais pas si ça vient, Milton, on se parlait un moment donné, puis on était avec Mel au Centropolis à Laval, en train de parler du concept de l'émission, puis j'ai dit, à quelque part, il faut réaliser aussi que c'est un peu prétentieux, parce qu'on prétend qu'on va jaser dans les micros, puis il y a du monde qui vont nous écouter. Puis il y a du monde, je suis sûr, qui ont écouté le show, puis qui ont fait, qu'est-ce que c'est ça, gang de tout croche, puis ils ont décroché, ouais. Mais il y a du monde qui nous écoute encore, qui nous supporte, qui nous encourage. Puis ouais, c'était malade. On avait le groupe, on a, on a encore le groupe. Mais tu sais, ça a parti avec le groupe, le podcast, ci, ça, ça. Puis honnêtement, ça a parti de rien. À cette heure, c'est là, malade. J'ai, comme Eric dit un peu, là, j'ai des amis sur Facebook, sur Twitter, du monde que j'ai rencontré en vrai, du monde que j'ai pas rencontré en vrai, du monde que Gumby QC, je te salue Guillaume, joue sur Xbox. Là, je joue moins parce que j'ai lâché Destiny un peu, puis il joue au hockey puis d'autres choses. Mais, joue au hockey? Non, lui, il jouait okay. Au hockey. Mais, joue au hockey? Tu sais, pour dire, on joue ensemble en ligne. Oh, j'ai ben des chums à Star, Milter 187, Xbox One, tu sais. À des moins, le monde est mad. Puis il y en a qui m'écrivent, ils disent, hey, j'écoute le podcast. C'est un peu drôle que moi, j'en connais plus toi que moi, tu me connais pas, tu sais, des affaires de même. Puis c'est correct, là, tu sais. Moi, je m'amuse, j'ai du nouveau monde à jouer avec. Puis c'est du monde sur Facebook, le fun. Du monde, tu sais. Mais le pire que j'ai eu à la job, moi, un moment donné, c'est que. Du monde en vrai. Chris, man, des collègues de travail. Ah non, je l'écoute ton émission. Ah ouais. Puis je n'avais pas parlé, tu sais. T'écoutes ça? Ah ouais, ben j'ai vu sur Facebook, j'ai écouté. Puis. Tu sais, puis mon chum Vincent à la job, ou bien un autre de mes collègues. Chris, je savais même pas que c'était toi, man. J'écoutais ça, cette émission-là, puis un moment donné, j'ai cliqué, j'ai fait « Tabarnak, c'est André de la job, ça! » Puis ça, je trouve ça flyé à quel point que, à ta peur, le monde du podcast au Québec, c'est tellement embryonnaire. Tu sais, il y a un paquet de monde qui savait pas c'est quoi. Il y a du monde qui en parle même pas, qui écoute ça, parce qu'ils ont peur de passer pour... Ils se disent une personne qui sait c'est quoi, là. Si mais le pire, c'est parce que c'est une passion tellement pas connue, puis tellement pas développée, puis je nous trouve archaïque comparativement au monde. Tu sais, ma blonde, là, en France... Les podcasts, c'est comme, c'est connu, c'est répandu. Nous autres sites, c'est genre, soit t'es un élitiste Radio-Can que t'écoutes ton émission en balado-diffusion par après, ou que tu tripes sur le rétro-gaming puis t'écoutes une des multitudes d'émissions de rétro-gaming. Ouais. Je dis pas ça diminutif. Wow. J'adore les émissions de rétro-gaming. Mais il y a des émissions de rétro-gaming? Il y a beaucoup d'émissions de rétro-gaming. Moi, ceux que j'aime le plus, c'est ceux qui parlent des produits Apple. J'adore les produits Apple. Ouais. Ça, j'aime ça aussi. Le honnêtement, là, je pense que toute cette aventure-là, ça a été assez fucké quand même, parce que moi, je t'assure qu'on n'était pas crashé après 10 épisodes. Ben, puis il faut que je fasse un parallèle. On est embryonique encore. C'est ça qui est hot. Ouais, je pense qu'on va toujours être 50 épisodes, c'est rien quand tu compares à du monde. Là. Quand tu compares à d'autres podcasts qui ont lancé le message au début de l'épisode aussi. FJJ, là, Fun Jouer Jeux sont déjà à 72, les tabarnak, on va y rattraper. Je pense qu'ils ont changé de nom. Hey. Ça fait au-dessus de 200 ou 100. Podcast et Gumballoon sont quoi? Comme 6000, tu sais, ou quelque chose de même. 7000, ils sont beaucoup. Mystérieux, étonnant. Ils ont pété, je pense qu'ils ont pété le 10 000. Les autres épisodes, là, c'est 30, en fait. Regarde, tu vois, Eric est au courant des stats. Mais ils ont beaucoup, là. 50, c'est rien. Milter, tu parlais, toi, c'était Comic-Con. Toi, Eric, c'est quoi ton meilleur c'est un day. Un day. Mais un day. Mais mettons, un day, je n'ai tellement... Eric, t'en choisis un live, là. Le premier qui te vient en tête, là, ça va être l'appel à l'émotion. Le premier qui me vient en tête. Tu sais quoi, une bonne mémoire que j'avais eue, puis c'était une mémoire où on avait été assez chanceux d'avoir Jonathan Roberge comme invité. Ouais. Puis il y a du monde qui écoute en ce moment. T'sais, on est chanceux, on fait notre show, on a une audience qui nous écoute. Puis on a du monde sur Twitch qui nous suit, puis c'est toujours le fun. Moi, chaque invité est quelque chose. D'accord, mais je fais juste dire. Ouais, ouais, non, non, mais c'est... que j'ai trouvé pertinente, c'était que quand Jonathan Roberge est là, puis. T'sais, on a un dude qui a un peu de fame, là, comme du bon fame, là, il passe à la télé. Moi, je me souviens juste avoir regardé le Twitch puis faire mais comme... Mais c'est ça que j'en ai dit. Ben là, tu vas dire... OK, vas-y. Je te laisse le dire, d'abord. André qui fuck l'histoire. Non, mais je l'ai pas fucké. Je l'ai laissé. Mais ouais. C'était juste d'avoir Jonathan Roberge qui est là, puis nous autres, on est comme moi, on a un Twitch. Puis là, il est comme, ah ouais, vous avez un Twitch, c'est quoi? Je vais partager ça sur ma page. Puis là, il partage sa page. Sa page de 85 000 personnes, genre, pis là, tout ce que je me rappelle, c'est juste de voir la face à André. Quand il voit la page Twitch, que d'un coup, je pense que dans une shot, on était rendu à comme 600 ou quelque chose comme en ça. En fait, c'était 400. Okay. Mais ça a vraiment fait, je regarde, il y a 6 personnes. Je fais comme, hey, salut, guys, ce sera pas long, on commente. Je regarde, 400 personnes, je fais puis, pour rajouter à ça en plus, ce qui est vraiment le fun. Normalement, on avait dans ce temps-là comme maximum 10-15 personnes. 10-15 personnes. Max, là, dans le gros pic. Puis je regarde le stream, puis je l'ai réécouté il y a pas longtemps. Puis ce qui est cool, c'est que c'est le stream du collectif qui a été le plus écouté à date. Puis je suis même pas dedans, tabarnak. La caméra qu'on avait, c'est vrai, était même pas assez high-tech pour couvrir tout l'angle. Fait que tu vois Eric Milter puis Jonathan Roberge, puis t'as moi dans le coin que t'entends juste une voix de clown une fois de temps en temps qui cale des shots. Non, mais ça, c'était le fun, tu sais. Honnêtement, le fun, là. Puis avoir Jonathan Roberge, c'était très cool aussi. En plus, qu'il plug, tu sais, puis c'est con à dire, mais on... c'est pas pour... Non, asti, on va le dire avec fierté, mais tu sais, il avait plugué que Fiston saison 5 s'en venait sur Illico. Ouais, ouais. Sur le podcast, pis c'était comme une exclusivité qu'un paquet de monde n'ont pas catché parce qu'ils nous écoutaient pas, mais qu'il y a un paquet de monde qui nous ont découvert avec ça. Ouais. Pis, tu sais, c'était cool, là. Il l'a droppé, on a parlé de vraies choses, il nous avait parlé de ses voyages, de qu'est-ce qui est arrivé. Pis, honnêtement, on a eu la chance d'avoir bien des entrevues, pis moi, mon souvenir, c'est ça. Le souvenir que j'ai encore aujourd'hui, c'est à chaque shot qu'on avait un invité, ça part d'une direction, puis je découvrais des passions avec les invités que tu n'en as aucune crise d'idée. Gars, Jérémy Larouche, à un moment donné, là, tu sais, c'est comme, ah, moi, je trippe musique de jeux vidéo, puis paf, on part d'une direction carrément à l'opposé. Aussi, puis... les restaurants qui transforment en bar, puis transforment en bar de danseuses dans le Grand Nord, ça, j'ai trouvé drôle. Mais c'est ça, c'est le mais ça, c'est pas de une de ses passions. Faut non, c'est pas des passions de Jérémy. Ça faisait partie de des histoires. Ouais. Des mais c'est pas une passion. Mais je pense que, tu sais, c'est le. On est réputé pour ça, puis c'est le pouvoir de la dérape. Tu sais, c'est vraiment. On part, puis il y a une genre de guideline. Tu sais, il y a une ligne dictatrice qui va dire. OK, on va faire un épisode qui va parler à propos de ça. Puis à un moment donné... on parle, mais là, découvre une porte de sortie, on parle, on revient, on redécolle, puis on est peut-être dur à suivre en tant que mais podcast. C'est comme mais... l'expression, on parle pour parler. Mais on parle pour parler vraiment au collectif. C'est ça, on va toucher un paquet d'affaires, là, puis... Ça peut aller n'importe les où, invités, on le sait pas. Là, moi, tu vois, regarde, honnêtement, un des épisodes... que je me fais parler souvent dans l'entourage puis que moi, il m'avait fait triper, c'est l'épisode, justement, où on avait fait la dégustation de bière. Avec Olivier. Avec Olivier. Ah ouais, où oui. T'as Eric qui me dit « Hey, man, il y a un gars du biérologue, je suis tout le temps rendu là-bas, j'achète de la castor, je capote. Il serait willing de faire une dégustation. OK, bon, ben, gars, on fait une dégustation de bière live. » C'était fucking cool. Puis le monde a aimé ça. Ouais. Puis moi, ce qui m'a sidéré, c'est le monde... Hey, moi, j'ai bien aimé votre épisode de bière. Ouais, moi aussi, je m'en... C'est juste de l'audio. J'ai fait... commentaire comme ça juste hier. T'entends du monde qui goûte de la bière. Fait qu'à la limite, tu nous entends saper puis une coupe de verre taper sur une table. Puis t'aimes ça. Au début, j'étais hésitant beaucoup de cet épisode-là en l'enregistrant parce que je me faisais beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Mais je pensais constamment à l'audio derrière moi, ben dans ma pensée, dans ma tête, puis j'étais ça comme, doit être plate pour ça doit être plate pour quelqu'un qui goûte pas à la bière en même temps que moi. En plus, on avait un spécialiste de bière. Ouais, ouais, mais pour le gars qui l'écoute, puis finalement, tout le monde en a parlé. Puis Olivier, honnêtement, merci encore pour ça. Si tu nous écoutes aujourd'hui, t'as été une des expériences les plus inattendues pour moi au collectif. Absolument. Puis, un des plus mémorables différent, aussi, ouais. C'était tellement le puis fun. Puis, dans notre cœur, tellement... je reconfirme, t'es un spécialiste de bière. Non, non, ce gars-là, c'est plus qu'un spécialiste. C'est un passionné, c'est un geek de bière. Un je lui accorde le titre. Un biérologue. Un vrai. Un biérologue. Certainement, même plus que ça, je te dirais. Le biérologue, PhD. C'est Claude qui appartient le ouais, magasin. Mais Olivier, dans le temps, Olivier, il connaît ça. Là. Ah non, c'était incroyable. Christ, mais en fait, c'est parce que, tu sais, il y a une limite entre être un passionné puis un snob. Puis Olivier n'est pas un snob. Olivier est un passionné accessible. Il va, un geek. Il va de pas bien. Te dénigrer. Il va t'en parler puis c'est cool. Puis même les geeks, on a tendance à devenir snob à un moment donné. Ouais. Mais c'était un épisode tellement accessible. C'était malade. Toi, Nick. Tes passages avec nous autres, c'est quoi que tu te souviens qui était la ton épisode? La fois qu'on a là? Parlé de Léolo. Tu sais, dans tes trois fois où t'es venu au collectif. Non, mais j'aime toujours ça, le collectif, en fait. Là. Mais c'est sûr qu'il y a des sujets que moi... Tu sais, les jeux vidéo, j'aime ça, je vois des jeux vidéo, mais des fois, vous en parlez, je me perds un peu, je suis pas un gamer comme vous, puis Mais c'est correct. Mais moi, Nick, moi, c'est t'es... ce que j'aime. De... Quand t'es là, puis que tu nous dis, j'ai joué à tel jeu, justement. Regarde, juste à soir, vous parlez tout de jeux. Moi, je parle de séries télé parce que je suis différent. C'est correct. Mais non, en partant. Mais ouais, mais sauf que des mais fois, j'aime je joue, ton input puis... parce mais que j'aime... t'es pas un gars qui essaye les 80 000 jeux. Puis quand t'arrives, tu dis, fuck, il est hot le jeu. Puis là, moi, on j'aime fait Flower. Comme... Man. Ouais. Hey, Flower est au PlayStation 4. Hey, 6,99. PS. Je me suis Sony sont très connus pour dire les mêmes choses deux fois. Sony. Mais Nick, je pense qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que... L'épisode de lutte. Ah, si, moi. Ah, ben oui, hey. Ouais, ouais, j'avoue que l'épisode de lutte, ça, là. Puis mon premier épisode, c'est l'épisode de zombie, je pense. Film de zombie, t'étais embarqué le premier épisode, c'est vrai. Je pense que c'était mon premier épisode, c'est les zombies. Puis c'est ça, mais c'est comme, j'embarque quand c'est des sujets qui viennent plus me chercher. Les Comic-Con. Les zombies, la lutte. La t'es guerre. Là au Comic-Con. Il y a un don, Comic-Con, Nick. Comic-Con, c'était vraiment... Mais c'était par cool. Ta présence, t'as un don, t'es un plus-value aux épisodes. Quand t'embarques, justement, tu sais, c'est comme... Mon, c'est comme un collector edition. Chris Nick, il est là, là ok, monde, cool, ouais. Tu sais, puis tu rajoutes, puis Chris, le monde aime ça quand tu parles. T'es un fan club. Je suis comme Corky, genre. Ah, comme moi, le monde me moins trouve attachant. Handicapé mental. Le monde me trouve attachant malgré mes différences. Ouais. Hey, là, il y a du monde en ligne qui nous dit Skype Live. Ce qu'on va faire, là, c'est qu'à la fin de l'épisode, on va embarquer sur Skype. On va faire un Skype avec vous autres. Wow, OK. Yeah. Ouais, on va faire ça, comment là... tu vas sur Skype si t'as pas d'Xbox One? C'est une question valide. Skype non, OK. Skype. En passant, Skype adore. Skype, mais... Sky, mais non, l'épisode de lutte. Non, mais blague à part, j'aime toutes mes expériences. Même quand c'est des sujets qui viennent moins me chercher, je trouve toujours de quoi dire, puis il y a toujours de quoi... Des fois, j'en dis moins, des fois, j'en dis trop. Mais... non, mais... Des fois, je suis coupé au montage. Ben, j'ai... Hey, ça, c'est une affaire, mais, là. Non, dans c'est... le fond, Nick était toujours... là à chaque épisode depuis le début, mais sauf qu'il a été coupé au montage à cause de ses propos. Je suis tout le temps là, mais je suis tout le temps déplacé. Non, mais je l'ai souvent... À chaque fois que je reviens, je reviens là-dessus. C'est que j'ai pas lâché parce que... Je suis parti, je suis comme... Yeah, j'étais non, moins là, non, c'est que j'aime mieux être là de temps en temps puis d'avoir du fun que d'être là puis d'être des soirs, tu sais, je me sentais pas obligé d'être là, mais il y a des soirs que ça me tentait moins, puis selon des sujets, des fois qui venaient moins me chercher, puis ça me tentait moins, puis that's it, c'est juste mais... ça. Mais quand vous m'invitez, tu sais, je sais André m'invite quand il dit ok Sonic. C'est ouais, un bon sujet pour ouais, Nick. Comme l'épisode de lutte ou whatever. Là. Puis ouais. Là, à soir, c'était la 50e. Ah, mais 50e, fait... tu peux pas. Suite, j'ai fait à comme côté. Oui, je vais être ouais, là. Pas de problème. J'ai une chose ce soir, c'est que te voir ici, assis en avant de moi, ta t-shirt. Je sais qu'on va t'inviter pour notre émission Soy Sauce spéciale. L'épisode 51. Kikoman. La meilleure sauce soya. C'est la meilleure. La verte est meilleure. C'est il y a la moins meilleure de sel. Sauce soya. Non, ouais. Il y a plus de sel. Moi, j'aime ça, le sel. C'est bon, du sel. C'est bon, mais ça. C'est drôle, c'est quand tu dis qu'on va faire du Skype tantôt, une émission qui m'a marqué pour prouver comment pas facile que ça peut être faire des podcasts. Ah, c'était notre émission Call-In qui était awkward. Ouais. S'il y a du monde qui nous écoute, qui nous a appelé, désolé, mais de on n'a pas calculé le délai. Antawa avec sa gang, quand il nous a appelé, puis. Antawa nous avait appelé. Dedans, ou quelque chose de même. Beaumont nous avait appelé, Jérémy. Mais... tu sais, ça c'est une affaire, puis honnêtement, on va se lancer des fleurs là-dessus parce qu'on les mérite, mais le podcasting game, là, tu sais, la gamique de podcast, nous autres, là, tu sais, encore une fois, quand je parlais du mur qu'on allait se péter le front dedans, ok, attends un peu, il y a une barrière entre nous et les auditeurs. Hey, qu'est-ce qu'on fait? Non, non, on invite les auditeurs à nous appeler, puis là, ben le monde nous écoute live, il y a un lag. Hey man, vous rendez-vous compte qu'on a eu un moment où. Comme on le a, gars on qui appelle la radio, là. Qui s'entend et que ça fait du feedback, là. Ben, on a du monde qui nous appelait live sur Skype pour jaser avec nous autres. Puis, je sais pas si vous vous souvenez le moment d'angoisse. Quand, honnêtement, là, puis Ntawa, tu dis que tu veux pas le réécouter, mais réécoute-les, man. Il y a du priceless shit là-dessus. C'est cool au bout. Mais honnêtement, là, vous souvenez-vous le moment d'angoisse où on a fait « Ok, on prend des appels live là ». Puis j'ai dit, en passant du micro subtilement, j'ai fait on fait quoi s'il n'y a pas un nasty chat qui appelle? Il n'y a pas eu d'appel pendant 30 secondes à cause du lag. C'est ça, puis il y a eu un lag, puis c'était normal. Puis après ça, les calls ont commencé à rentrer, puis honnêtement, tu sais, on est parti, puis on a fait... Mais là, on le sait. À ce temps, on le sait, tu redirais ça, puis on pourrait dire, OK, on prend des appels là, on commence à on continue de parler, parce que là, on ne pourra pas en prendre que... là. Non, pas là, mais... Parce que le monde nous écoute en différé aussi. Ça serait compliqué, là. Après l'enregistrement, on le fait maintenant. On se fait un time, là. On va le mettre sur Twitter et sur Facebook pour en faire du Skype. Mais si vous avez appris une chose de votre expérience de podcasting à date, les boys, c'est quoi? Parler dans le micro. Excellente observation. Non, mais... taper la table moi, avec ta bière. Moi, j'avoue que j'ai tendance à parler puis à m'éloigner du micro des fois. Mais ce soir, je trouve que je suis quand même discipliné. En tout cas, tu m'as jamais fait... Non. André me fait des signes souvent, mais là, à ce moment, je pense que ça va bien. Moi, j'ai appris quelque chose, excuse de te couper, mais ça va être un petit peu bromance. Là. Mais moi, j'ai appris quelque chose. Si André Paquette t'invite à un projet, puis t'es un des chanceux choisis, attache ta ceinture, mon homme, parce que ce gars-là, il va à fond. That's what I'm gonna say. Chapeau à André pour ça, sérieux. Ben, merci. Comme sincèrement. Cheers, bud. Cheers, man. Mais je pense que c'est un des premiers projets où... T'as laissé ta barbe pousser. Ah oui, non, ça. Je que t'es devenu un hipster. Ouais, je suis devenu un hipster, là. J'écoutais ça avant que c'était à la mode. Mais moi, ce que j'ai appris avec le podcasting, puis ce que j'ai appris qui m'a aidé dans beaucoup de projets, mais peu importe les moyens que t'as, parce que le podcasting, on a commencé avec deux micros, puis déjà, on avait beaucoup, là. On avait deux micros USB, puis... On était quand même guérés, on allait au Basebin, t'entendais un groupe de pseudo-punk death metal. Premier épisode, écoutez-le encore, il sonne le cul, puis en arrière, vous entendez un band de indie punk rock qui joue... Hey, c'était n'importe quoi, là. Puis après ça, en plus, là, on vient de se le faire dire sur Internet, mais Gab nous mentionne, le premier micro à Nicolas, c'était un débouche toilette avec le micro de tête dessus. Oui, c'est vrai. Mais... Ça tenait. C'est vrai. Là, ça tenait. C'est vrai. Mais... Je pense que le plus important à propos du podcasting que j'ai appris, c'est le monde avec qui tu vas le faire. Tu sais, ça te prend une chimie, ça te prend du monde qui va avoir quelque chose à dire dans le projet, du monde qui va pouvoir s'impliquer. Puis tu sais, honnêtement, c'est ça qui a fait la force de l'émission, selon moi. C'est la vision de tout le monde. Puis tu sais, même Mel n'est pas là aujourd'hui, mais ça veut pas dire que Mel a fait plus. Ça veut juste dire que, tu sais, Mel, présentement, elle a eu des choix académiques à faire, des choses comme ça, mais... Elle voulait pas nous maquiller. Ouais, c'est ça, on voulait pas se faire maquiller. Mais, tu sais, je pense que c'est le monde avec qui tu le fais. Honnêtement, j'aurais pas fait ça avec n'importe qui. Puis j'aurais pas fait ça avec d'autres mondes non plus, parce que, premièrement, tu sais, Geek Collectif, quand j'ai pensé à ça, ça a vraiment fait comme Chris. Et Eric va amener la connaissance. Eric, c'est un encyclopédie. Eric, c'est quelqu'un de flyé. Eric, c'est... Nick va amener le côté pince sans rire, weird, bizarre. Milter va amener le côté... Milter. Wrong, internet, chialeux. Game, chialeux, cool. Djihadiste canadien. C'est ça, tu sais. Puis, tu sais, Mel amenait sa touche féminine, masculine, parce que des bouts, t'es pas mal plus mal engueulé que nous Mel, autres. Mais... Si quelqu'un connaît Mel, si t'as la chance de boire avec Mel, si t'as la chance de chiller avec... She's one of the boys with boobs. Mel, honnêtement, c'est la fille que tu vires une brosse avec, puis Chris, c'est un de tes chums, puis tout va bien, man, puis il n'y en a pas de problème. Mais la chimie, puis Chris, c'était une de mes craintes au début. J'ai fait comme, hey, Milter, tu te rends-tu compte, man? Ça fait 2 ans qu'on se connaît, là, puis t'es dans mon salon aujourd'hui. Mais Chris, toi, t'avais juste jasé par Facebook, là. Ouais, ouais. Au début, on se connaissait. Mais c'est là que je voulais en venir aussi, c'est que on parle de qu'est-ce qu'on aimait le plus. Eric. Je le connaissais pas. C'est vrai, ça, man. Puis Eric, c'est un Chris de bon gars. Ah oui. Mel, je la connaissais pas. Mel, c'est une Chris de bonne fille. Puis c'est devenu des amis. Toi, je la connaissais. Milter, je la connaissais, mais. On se voyait pas. On se voyait plus. Puis c'est comme. On s'est comme retrouvé avec le podcast. Puis c'est comme. Je vais pleurer, là. Non, mais sérieusement. Pense aux bijoux à Caroline Néron. Non, mais sérieusement, j'ai fait des rencontres vraiment cool avec ce podcast-là. Puis quand j'y repense, je pense que c'est ça mon meilleur moment du podcast, c'est la gang, en fait. C'est, hey, c'est pas un épisode en particulier, c'est le monde avec qui qu'on le fait. J'ai une petite mémoire qu'il faut que je partage, qui est un peu sur le sideline, mais Nick m'a touché le cœur, puis je vais toucher en retour, parce que moi, ça m'a touché. C'est notre première émission au Comic-Con. Moi, quand j'avais revenu, je m'en rappelle, tu m'avais droppé, je m'en allais prendre un autobus. Au métro. J'ai pris la P9 à un moment donné, ou j'ai pris la Bélanger. En tout cas, j'ai eu un week-end de Chips Ahoy, puis ben, j'avais un gros sac. Ah, Chris, oui, puis je m'en souviens de mon ça. Mon sac, ben, j'étais en autobus, je débarque de l'autobus, je vais dans un couche-tard. Dans le couche-tard, je vois que le savon à vaisselle ou à linge est en spécial. Fait que j'envoie une photo à ma femme, puis je suis comme, ça, c'est-tu un bon prix? J'en pogne-tu? Parce qu'elle est ma conseillère de spéciaux. Puis elle a dit oui. Fait que je la jette, je sors, je suis là, je hop, je vais aller pogner la P9 maintenant. En m'en allant vers la P9, je suis comme, ah shit, j'ai oublié mon sac dans le dépanneur. Je retourne dans le dépanneur, je suis comme, ah shit, j'ai oublié le sac dans l'autobus. Chris de Old Dutch en spécial. Je pense que c'était du Old Dutch en plus. Non, c'est tout le temps du Old Dutch, c'est cochon. Mais tout ça pour dire que j'étais tellement déprimé, mon sac s'est fait partir, j'appelle ma femme, j'étais en tabarnak. On vient me chercher, on court après, voir la station de la dernière. En tout cas, puis on te textait, je me rappelle, j'étais avec Nick, on te textait même, puis on était comme, ah, pauvre Rick, esti, man, il a perdu ses affaires. Tabarnak! Tout gone. Puis la première mémoire que j'ai, c'est que j'étais down parce que j'ai une t-shirt que bien des gens me connaissent par, mais c'est ma t-shirt de Duck Hunt que j'adore. Puis. Un jeu de Nintendo. Ouais, qui ressemble beaucoup à en fait, le dernier jeu d'Activision. C'est comme Duck Dynasty. Duck Hunt Dynasty. En passant, j'ai entendu quelqu'un bitcher de Duck Dynasty parce que fuck, il a dû tuer 80 canons en 4 minutes. C'est comme non, borderline mais, braconnage. Mais t'es comme Duck Hunt, on a des chargés. Anyways, tout ça pour dire que le lendemain, j'ai Nick qui m'envoie un message parce que j'étais triste de ma t-shirt. Qui m'avait commandé la Christie de t-shirt. Hey, on l'avait cherché en tabarnak sur le net, son t-shirt. Duck Hunt t-shirt. Duck Hunt Inspiration t-shirt. T-shirt Duck Hunt. Un moment donné, entre guillemets, Duck Hunt t-shirt. Ben, ça, là, ça m'avait vraiment touché. Ça m'avait rendu compte comment spécial que c'était cette aventure. Parce que, comme tu dis, c'est vraiment du bon monde que j'ai rencontré. Puis ça, j'adore. Mais moral de l'histoire, bonus de l'histoire aussi, c'est que 2-3 jours après, retrouvé ton sac. J'ai reçu un call de la STM. Avoue que ça n'arrive jamais, ça. Hein? Mais moi, j'étais un gars, là, je vais souvent dans le Nord-Ontario. Karma, comme sur Reddit. Quand je vais au Nord-Ontario, je prends un autobus voyageur. Ça a l'air weird, mais j'adore prendre l'autobus voyageur pour aller dans t'es le Nord-Ontario. T'es bien assis là-dedans, man. Ben, je suis bien assis, puis maintenant, il s'en vient pas mal cool. Si t'es chanceux, là, t'as 1/2 là, que tu n'as un bien confortable là, avec de Wi-Fi et tout. Mais je vois toujours, pas toujours piste, ça, mais j'ai toujours. Ça fait pisse. Mais j'ai toujours les petites étiquettes qui restent sur mes sacs de mon nom, mon numéro de téléphone, puis tout ça. Mais Christy, j'ai reçu un corps de la STM. Monsieur Hébert, t'aurais-tu oublié un sac de sur l'autobus? Comme non, incroyable. Mon autobus, mon sac en parfaite condition. Puis à cause de ça, à cause de cette aventure-là, ben moi et ma femme, on a 2 t-shirts qui matchent maintenant, Nick. Merci. Moi, en sujet relié, là, c'est niaiseux, mais... Old Dutch, en spécial. En parlant d'Old Dutch en spécial, mais... Toutes les invités qu'on a eus, peu importe qui, puis aussi les gens qu'on rencontre. Moi, là, j'avais l'habitude, avant le podcast, je me faisais reconnaître dans la rue des fois. Mais c'était comme... Une fille nowhere qui vient me voir, puis comme, hey, t'es-tu Milter sur Internet, là? La petite cave qui chiale tout le temps, ou qui bitch les artistes, ou. Puis, à cette heure, je me fais reconnaître plus, hey, tu sais, je suis au Comic-Con, puis hey, t'es Milter, le gars du Geek Collectif, puis je suis comme, ah, fuck, ça fait changement de. Te souviens-tu la première fois? Cave qui chiale, à Ottawa, sur Internet. Man. Le gars, on était à Ottawa, ensemble. Ottawa, quand on était ensemble, puis on écoutait comme... le lutteur. C'est le gars qui nous parlait de ses vieux lutteurs. On écoute un vieux lutteur des années 70 ouais. Qui nous compte ses anecdotes de lutte, puis on jase avec. Puis t'as un d'autre qui arrive, puis il fait comme, hey, t'es-tu André puis Milter du Geek Collectif? Comme, hein? Puis moi, je me rappelle, sur le coup, j'ai figé, puis tu sais, réflexe cave, mais tu sais, je me suis ouvert de bord, j'ai regardé Milter, puis j'avais une main sur mon portefeuille, puis j'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Puis t'as Joe qui me regarde, puis il fait, Je sais pas trop, mais t'as peur. Mais on s'en va d'abord. Oui. C'est William, ça. C'est ça. William. Oui, William et mon Guinette. Les geeks parmi nous, man. Ouais. Les geeks sont parmi nous. Mais puis... c'est lui qui nous a reconnus. Puis... Chris, honnêtement, sur ce coup-là, j'ai fait... la voix. Ben oui, ouais. Il dit, je vous ai reconnu avec votre voix. Puis là, je suis comme... Puis de tous les places, tu sais pas... À Comic-Con. À Comic-Con. Là, j'ai fait comme... Ah. Mais du monde qui parle français, déjà, ça peut ressortir à Ottawa, fait que, hey, tu sais, ça l'aide un peu, là, mais... Soit ça, ben, à Montréal. Puis on l'a revu une couple de fois après William, là, dans, ben dans des événements, surtout au Comic-Con, dans le fond, là, qu'on le croise. Là. Super bon de bon gars. Jack. Puis tu sais, c'est comme, regarde, on a vu Chuck aussi, à un moment donné, regarde, ouais. À table RZO, là, ben, à avec le boot RZO, juste rencontrer... Comment dire ça? Juste les gens qui aiment avoir l'interaction, qui prennent le temps de nous écouter, puis les autres dudes de RZO, là, ben ouais, juste tout ce monde-là, voir, rencontrer même. D'autres gens de la famille qui aiment les mêmes intérêts un peu, beaucoup axés sur le rétro gaming, mais qui ont en général les mêmes intérêts que nous autres. Puis qui aiment les partager de la même façon que nous autres avec le podcasting. Puis tout le monde a leur influence un peu différente. Puis tout le monde est open à tout le monde, je pense. Tout le monde aime tout le monde. Oui. Même si on a toutes nos différences, tu fais comme, si eux autres, ils ont fait ça de même, puis c'est cool. Puis tout le monde est le fun. Je trouve ça le fun. Tout le monde que j'ai rencontré, que ce soit dans des événements que je suis allé à cause de ça, que ce soit RZO, que ce soit... rencontrer Antawa, Pierre Lessec, Sam Lantaigne, tous les fans là, qui nous écrivent, qui peu je importe. Je vais être obligé de jacker le moment. Les bangs ouais. d'Ottawa. Toutes les bangs d'Ottawa. Pierre Lessec, je m'adresse à toi parce que je t'ai fait une promesse puis je vais l'honorer live là car je n'ai qu'une parole. Ou deux, tout dépendant du nombre de bières que j'ai bu. Là. Mais Pierre, tu m'as demandé de te convaincre d'acheter Mass Effect. Ah, on va voir si on va puis en plus on teste voir s'il sera là c'est un test mais Pierre est-ce qu'il va le convaincre tu me dis Mass Effect je l'achète tu j'ai le goût de l'aimer mais j'ai peur d'être déçu Pierre dans vie là, les déceptions ça fait partie de la vie mais tout dépend des attentes que tu vas avoir puis je m'excuse Pierre parce que les attentes sont hautes maintenant je t'ai mis des attentes très hautes probablement plus haute que les attentes que j'avais quand j'ai joué à Mass Effect. C'était un 6 sur 10. Tu m'as dit, André, est-ce que le 1 et le 2 valent la peine? Si tu joues sur Nintendo, c'est ça. Est-ce que je peux encore jouer à Mass Effect 1 en 2014 puis avoir du fun? Est-ce que je peux jouer à Mass Effect 2 puis avoir du fun? Absolument. Est-ce que je peux faire la fin de Mass Effect 3 puis pas me sentir fourré? Absolument. Je pense, Pierre, que Mass Effect, là, c'est pas l'engin, c'est pas le fait que tu cliques ou que tu utilises un clavier, une souris, une manette. C'est pas qu'il y ait un petit peu d'éléments de first-person shooter là-dedans, puis tu te quittes. Je pense que t'es pas obligé de jouer à Mass Effect 1 pour aimer le 2, puis t'es pas obligé de jouer au 2 pour aimer au 3. Mais si t'as joué au 1 puis au 2, tu vas l'aimer vraiment plus, le 3. Si t'as la chance, d'après moi, t'es aussi bien. Là, t'as les trois sorties disponibles. Je pense que tu peux acheter le box set des trois pour genre 20-30$ au max. Je pense qu'il est 29 ou quelque chose de même. Mais regarde, écoute, Pierre, sérieux, je pense que ça vaut la peine. Un de ses concerns à lui, c'est est-ce que je m'achète une console pour jouer à ça? Premièrement, c'est difficile à dire, mais... Si c'est le cas, la Xbox. Regarde, Pierre, honnêtement, si c'est le cas, la Xbox... Non, mais oui, parce que c'est sorti sur Xbox premièrement. Fait que Mass Effect, ça, c'est pour pas moi, sorti c'est un sur les nouvelles générations, là. Excuse? Il n'est pas sorti encore sur les nouvelles générations. Ils vont sûrement milquer la franchise quand ils vont sortir le prochain. Parce que moi, j'ai jamais joué à Mass Effect. Je m'en suis fait parler énormément. J'ai comme joué un peu sur la game de Val. Ouais. Mais comme j'ai joué 5 minutes, puis elle m'a dit arrête de nier. Ouais, parce qu'elle voulait pas que tu scrapes sa game. Ben ouais, mais ça, moi, je voulais devenir un asshole, puis elle voulait, je sais pas, c'était quoi son but, mais en tout cas. Mais ça avait l'air c'était pas ça. Ça avait l'air cool comme principe, justement, que toutes les décisions que tu prends dans le jeu, ça change un peu. Je trouvais ça intéressant, même si je suis pas un fan de ce genre de jeu-là. Mais je trouvais que ça avait une approche intéressante. Ça Mais je pense que... Mais s'il sort sur la nouvelle génération, j'achèterais un bundle. Tu pourrais même jouer sur PC présentement, toi, parce que ton PC est assez fort pour les rouler. C'est un des avantages, c'est que... C'est un des jeux qui est assez vieillot. couper au montage. C'est un des jeux qui est assez vieillot. Tu le sais que tu le couperas pas. Je le couperai pas. Hey, ça, tu coupes jamais rien au montage. Shout out à moi-même. Au fil des 50 épisodes, c'est comme on va couper ça au montage. Puis rendu dans l'épisode final, fuck it. Toutes les fois que je nous écoute, tu le coupes jamais. Je le coupe pas, fuck it. Mais... Même quand on dit judaïsme canadien. Là, vous courez après à soi. Judaïste canadien. Pas judaïste. Okay. Jihadiste. Okay. Jihad. Arrêtez de voler. Là, Pierre Lessec va être triste. Jihadiste, ouais. Donc, Pierre, honnêtement. Amad Rouleau. Non seulement je veux que tu joues, puis non seulement tu pourrais juste jouer au troisième puis l'acheter, mais Pierre, je t'offre Mass Effect. On va regarder si ton PC peut le rouler. Mais si ton PC le roule, je t'offre la trilogie, man. Je t'adonne de bon cœur. Écoute, t'es un gars qui interagit beaucoup avec nous autres, qui... Gars, Chris, tu t'es filmé pendant 10 minutes en train de retirer Dieu sait quoi à la banque. 11 minutes, c'est vrai. J'ai une petite anecdote à ça. Hier, j'étais allé chez Papa Cassette. Quand je vais chez Papa Cassette, je bois toujours trop de bière. Tu finis au trèfle, puis t'écris des affaires. Marde. Mais en plus, hier, j'étais allé à une place, puis il y avait juste comme... Il y avait pas les bières que je voulais. J'ai pris une... J'avais le choix entre une 6 de fin du monde ou une 6 de maudite. Je pensais prendre la 6 de maudite. Mais t'as fini à la fin du monde. Mais non, j'ai pris la maudite. Ah. Mais après que j'ai sorti de Papa Cassette après avoir crissé de la volée à plein de monde à Mortal Kombat 2, incluant Yann Fillion en passant, il est sorti triste. Désolé, Yann. Yann. Mais notre Google Plus Community Manager. J'ai enregistré un vidéo hommage pour Pierre de 14 minutes. Mon but, c'était juste ça. Back à 11 minutes. Enregistré en marchant au long d'Ontario, en filmant des crackheads qui me suivent, en filmant plein d'affaires weird qui se passent, en buvant une bière en marchant. Il y a eu un teaser d'environ 3 minutes que j'ai envoyé hier qui est bien content, mais j'ai 14 minutes complètes juste pour ça. Pierre, man, honnêtement, tu interagis toujours avec nous autres. Je sais toujours pas c'est quoi un Pedro Luchon. Mais c'est malsain. J'accepte pareil ce que tu dis. Puis, ben, on va prendre une marche à un moment donné ensemble, puis on va se filmer. Peut-être pas 11 minutes. Peut-être 3, peut-être 5. Peut-être 17. Peut-être 17. Mais man, le collectif Tough Mass Effect, puis je veux que tu joues, puis je veux que tu nous en parles. Puis là, désolé, mais on a parlé beaucoup de Pierre, mais c'est parce qu'on a eu des fans un peu. Épisode spécial Pierre. Mais c'est épisode spécial Guy Collectif. C'est plein d'affaires weird qui se passent avec ça. Puis désolé, mais faut que si on parle de Pierre, ce serait vraiment pas juste de pas parler de Sam Letang. Lantang. Sam Letang. Depuis Sam jour 1. Sam Letang depuis jour 1, j'avoue qu'il est là aussi. Ben, parce que il y en a une couple. Gabouette. Elle est là depuis le début. Gab est là depuis le début. Antawa, il est là depuis le début. Chuck aussi, man, il est vraiment Chuck actif avec nous autres. Il y en a qui sont là depuis le début, qui nous suivent depuis Sam, le début. Mais attends, il veut parler de Sam, là, je pense. Je pense qu'André était jamais assez brave de partager le contenu volontaire de Sam. Sam est un esprit créatif. Mais on a des chansons... Entre 4h AM puis 8h AM. On a des chansons de montage de nos... Nous autres. Dans des chansons... Du dubstep. Que je pense qu'André, peut-être, va falloir qu'on figure maintenant des sorties. Mais Sam aussi, c'est le genre de gars où que des fois, on se réveillait le matin, puis là, on avait une page partie avec des messages de Facebook de Sam où ce qu'on avait toutes nos photos... Avec nos intérêts collés alentour. Ouais, c'est-tu que je ris, là, des montages de Sam, sont écœurants, là. Ben, c'est parce que je pouvais pas rien dire sans parler de Sam là-dessus. Mais tu sais, quand on parlait du monde aussi rencontré, puis ces affaires-là, quelque chose de niaiseux, mais les opportunités que ça nous a données, comme on a passé, nous, en tant qu'invités à Parlons Balado, on a passé à trois bières. Plus c'est vrai, pareil. Que je trouve... T'es allé backstage juste pour tout rire. Tout est allé backstage juste pour rire. Pendant le galant de Mike Ward. Tu sais, c'est écœurant, là. Moi, trois bières, je les écoutais avant même qu'on fasse du podcast, nous autres, puis j'ai trouvé drôle, puis je suivais par Pierre-Luc sur Twitter, puis... Pierre-Luc, qui est une... Pierre-Luc et Yannick, man, honnêtement, ces gars-là, là, ils me font tellement rire. C'est des raconteurs, man. C'est... Comment je peux te dire... Mais j'aurais jamais pensé être... À leur émission, si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, tout a passé à radio On venait de sortir le premier ou deuxième épisode, puis je me suis... C'était quel... Ah, ouais, ouais, ouais, la radio universitaire avec Laurence Tittemanque. Hey, c'est vrai, man. Hey, je me souviens. Ça fait même pas deux épisodes qu'on sort, puis bang, André, il se fait demander en entrevue pour le... nous autres. C'est comme, hey, wow, hey, ça démarre en fou. C'est quoi cette affaire-là, une entrevue et tout? Là, on passe justement invité à Trois-Bières, invité à Parlons Balado, et on a-tu fait d'autres shows qu'on était invité ou... Je sais plus, mais tu sais, on s'est fait inviter au Zoo Fest pour le... C'est vrai. Tu sais, hey, c'est du monde qui nous approchait. Ça, c'est une affaire que même encore aujourd'hui, tu sais, le monde, il envoie, mettons, un communiqué de presse, puis écoute, récemment, là, il y a une affaire de jeux vidéo... Oui, c'est jeux vrai, vidéo, on s'est fait inviter. De jeux de société à Onsic. On pouvait juste pas y aller. Chris, mon nouveau hood, man, faut que j'y aille au mois de... Mais toi, t'es-tu allé? Non, non, mais c'est récemment, c'est en novembre, c'est là, ça s'en vient. Ah, je pensais que c'était passé, few. D'autres, c'est comme, venez-vous... Lynn Boutillette et la PR person, telle affaire. Puis là, je suis comme... Attends, il y a du monde qui nous demande d'aller faire le coverage. Non, non. Chris, c'est nous autres qui va vous demander d'aller faire le coverage. Ben oui. Tu sais, à chaque année, je me rappelle envoyer l'accréditation. La première année qu'on est allé faire le Comic-Con, puis vous souvenez-vous, j'ai fait comme... Bon, mais les boys, j'ai demandé qu'on ait une passe média. Une à cinq, là. Je suis sûr et certain que ça marchera pas, mais... On va s'essayer, tu sais, puis on va voir ce que ça donne. 24 heures après, vous êtes accepté. Ben, tabarnak, ça a marché. Puis on avait tous pareil nos billets d'acheter c'est ça. Parce qu'on moi, s'en mec, foutait. Fait, je me rappelle cette année-là, j'avais comme média de luxe. Puis j'étais comme. C'est-tu que les bénévoles, ils étaient fourrés, hein? Ah ouais, j'arrivais, puis là, non, tu fais le non, tu fais pas le line-up, tu rentres, tu fais quoi, puis. Puis là, il y a un gars en rollerblades qui arrive puis il dit lui il passe. D'où? Ouais. Je me souviens là, la première année là, je veux prendre mes photos, je m'envoie un bénévole, je fais comme hey man, je peux-tu aller en avant prendre des photos, j'ai une passe média. Ben là t'as des bancs en avant réservés puis puis on est comme le dimanche puis c'est la dernière conférence, je fais des oh, quoi? Ouais. Des quoi? Puis j'étais tellement pas habitué à ce puis ça a tellement été malade. Honnêtement, ça a été toute une aventure, mais je pense que... Comment je peux dire ça? Je pense qu'on est là pour rester, pour l'instant. Ah non, pas pour l'instant, pour tout le temps. Pour rester, on est là pour rester. Tant qu'on va avoir des affaires à se dire en chum autour de des micros, puis... En plus, si tout va bien, dans 14 ans, tous mes enfants vont être partis de la maison... Puis je vais avoir encore plus de temps. Si tout va bien. Si tout va bien. Même 16 ans, si tout va bien, ils vont tous être décollés. On va faire un studio dans la chambre du vieux. Hein? On enregistre à chaque jour. Ah, et ça, je rêve de cet espace-là. Dans 16 ans. Mais si on est volontairement Team Trent. 16 ans. Okay. Team Trent va continuer à faire déménager aussi. Trent, il y a deux dans 16 ans. Ciao, bye, décollé, ça n'a pas. Tel que Team Trent va être dans le collectif aussi. Ouais, peut-être. Peut-être qu'il va joiner. Mais je pense que, regarde, saison 1, épisode 50, si vous n'avez pas catché la joke encore... Là, non, mais non, t'en parles même pas. On n'en parle pas. Ben, j'ai même pas besoin de la justifier. Fait que la semaine prochaine, saison 1, épisode 51, puis dans ta face. Ça reste là. Mais... Mais où est-ce qu'on se voit à l'épisode 100? À l'épisode 100, ou, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui va s'avoir passé entre-temps? Ben oui, saison 1, épisode 100. Ouais. Mais ça, on va enregistrer au centre des Méchinois. On va, ouais. En partant. Moi, je vise plus le stade olympique. Moi sais-tu qu'est-ce que je vise? Puis j'ai hâte de le faire. Puis j'ai la chienne. Épisode live. Ouais. Y a-tu un bar qui va nous accepter? Mais y a-tu ça a l'air que le bois fait ça. Ouais, mais les Mystérieux Étonnants, c'est une institution du podcast. Mais il y a quelque chose de Québec, plus gros, c'est ça. C'est... Tu sais, y a-tu de quoi? Parce que. Mais si honnêtement, on le fait-tu live? Si je continue de prendre des bières à 1h30 du matin, random, comme un alco au trèfle, peut-être on va tomber là-dedans. Eh hey boy. Mais sans joke, moi je pense, dans l'épisode 100... C'est un step. C'est on va être live, puis j'aimerais ça partager ce qu'on partage. Puis je veux un micro dans la foule. Tu sais, je veux qu'on parle, puis quelqu'un arrive, puis c'est comme... Drop the mic. Jase avec nous autres. T'sais, tu drops un sujet, tu rajoutes ton grain de sel, peu importe, mais tu viens jaser avec nous autres. Ouais. Je suis d'accord, j'aimerais ça un épisode live. Ça serait malade, un vrai épisode live. J'aimerais ça qu'on... Ben, pas que j'aimerais ça, comment dire ça? Nos invités, je pense qu'on est capable d'aller chercher du monde encore plus big qu'on a là. Puis si le monde qui nous écoute connaisse du monde intéressant qui veut l'entendre, puis qui leur parle, qui leur dise, essaye de passer au Geek Collectif. Nous autres, on est ouverts au monde. Mais dis-tu quoi? Non, non, mais tu sais, c'est parce que nous autres, essaye de passer. Non, mais si la personne, elle connaît, tu sais, j'essaie de trouver quelqu'un, tu connais. Tu connais Alexandre Barrette, Cornelius, les gars qui viennent. Cornelius, c'est encore plus intéressant. Cornelius, mais envoie Cornelius nous parler de ses expériences de Star Academy, de tout. François Mascotte. Cornelius, le Bob le chef. On veut avoir, on aimerait ça avoir Bob le chef. Mais il va venir un moment donné. J'ai des choses à régler avec lui. Qui ça? Avec Frank. Il t'a unbloqué dans Twitter, t'es correct là. Ouais, mais je veux jaser en personne. Je veux comme. Eh ouais. Pas m'excuser, mais m'expliquer. Moi, tu me fais penser à quoi, Nick, là? Je veux m'excuser à Cathy Gauthier. Sais-tu pourquoi? On n'a jamais eu de beef avec elle. Non, mais j'ai dit deux, trois fois que Cathy Gauthier est pas drôle. Puis dernièrement... Elle t'a fait rire? Depuis un ou deux mois. Elle est pas vraiment drôle. Non, mais je la trouve meilleure, puis je saisis peut-être plus son personnage, puis je voudrais m'excuser au jugement gratuit que j'ai fait pendant les 50 derniers épisodes de toi, en disant que t'étais pas drôle quand que j'avais peut-être... mal interpréter le personnage. Moi, je veux pas m'excuser à François Mascotte parce que je le trouve vraiment plate pour vrai. Non, moi, mais... je suis d'accord avec toi. Puis il a copié le shit à tes malines. En même temps, je m'excuse comme d'avoir. Il a le droit de faire. Il y a du monde qui aime ça. Puis il a le droit de continuer de faire son humour. Ouais. Qui va peut-être chercher du monde. Mais il est bipolaire aussi. Il y a du monde qui embarque dans son humour. Puis c'est correct avec moi. T'sais, moi, j'ai déjà dit arrête de faire les jokes, c'est plate, lâche ça. C'est comme, non, lâche pas. Il y a du monde qui aime ça. Continue, Frank. Shout out, mascotte. Pop. Lâche pas. Hein. Je sais pas si c'est les sideburns. Non, c'est pas dire, je suis chaud, mais excusez la mascotte. Mais un petit peu mature. C'est bien ça, ta maturité paraît. Ouais. Non, c'est pas parce qu'on n'aime dire... pas au collectif que t'as pas le droit d'être Eric, là. Eric, il y a un moment, là. Je suis énormément, du fond de mon cœur, jaloux. De tes sideburns. Puis je suis jaloux de ta barbe. Des favoris. Finalement, t'es imberbe. Puis Milter qui s'en calisse, mais qui est capable de la pousser aussi. Oui. Allez chier les trois. J'ai même pris le temps de me raser aujourd'hui parce que je voulais pas avoir l'air pouilleux. Mais je pense que... Qu'est-ce que tu veux dire par ça, toi, là? mais Milter, il parlait d'inviter des gens random, là. Je sais pas si j'avais mal mais compris je pense, qu'on se bloque nous-mêmes, puis que peut-être du monde serait prêt à venir plus qu'on pense. Moi, là, honnêtement, j'avais au début, quand André m'avait invité au projet, j'étais juste bien content de participer au projet. Puis j'avais vraiment mal interprété l'affaire. Toi, je me souviens. Mais moi, j'étais vraiment sous l'impression que le Geek Collectif, c'était que... Attends. Ça, c'est écœurant comme concept. Si quelqu'un veut voler le concept et est capable de réaliser ça chaque semaine... Mais moi, je pensais que c'était Eric ça le concept Eric pensait au début, que moi. Le Geek Collectif allait être. Je pensais... Okay, honnêtement, mais je t'en ai déjà parlé aussi. Mais moi, je pensais qu'au début, c'était que on trouve des passionnés. Puis avec le gear, on apparaît chez quelqu'un qui est passionné de fucking Mega Man. En gros, on va chez vous. Et on fait un podcast chez eux. Puis on s'enregistre dans ta cuisine. Chaque épisode, c'est une cuisine on différente. On n'a pas fait une joke de même, mais on va boire ta bière. Ouais, oui, mais en plus. On avait parlé de mais vous avez deux, fait ça trois un peu. Épisodes. L'épisode de Zombie, vous êtes venu chez nous. Ouais, c'est l'enregistrer. Mais je après, c'est resté ça. Chez nous un mais peu je plus tard. Je pensais que c'était ça. Puis ce soir-là, on avait mangé des sous-marins. Puis André m'avait donné une ride. Puis. J'étais en char, puis j'étais en char, là. J'étais en train de chaser avec André, puis je suis comme, yo, c'était vraiment cool, on a enregistré Cynic, tout ça, puis j'étais vraiment sous l'impression qu'on était pour commencer à piger du monde. À chaque semaine, aller chez quelqu'un. Aller chez quelqu'un dire qu'on a fait aller chez Rachid Badouri. Quoi? Mais je pouvais pas quand j'étais allergique aux arachides. Là, c'est parce qu'on cherchait un humoriste. Ouais. Mais, et on n'a pas trouvé chez eux. Parlant d'humoriste ou d'invité, mais trouver un danseur. On va finir là-dessus, puis ouais. je trouve ça plate d'être obligé de finir là-dessus, mais on pourrait continuer longtemps. On va finir le podcast là-dessus, mais les gens qui vont être live, on va aller sur Skype avec vous. Mais un invité à avoir au collectif, selon vous, ça serait qui? maintenant, puis dans le futur, ou peu importe, mais un invité à avoir. Ben moi, je vais commencer. Trent Reznor. OK, ouais. Trent Reznor, ça n'est pas. Non, mais plus, qui est plus accessible. Plus, qu'on a des chances d'avoir. Mais en fait, je pense qu'on a, à date, on n'a jamais été déçus quand on s'est tenté. Je pense qu'on devrait commencer à viser un petit peu plus haut. Moi c'est con à dire. Ça dépend ce que tu veux dire par plus haut. Moi, je trouve ça cool de... Ouais, plus haut, ça n'a pas rapport. C'était peut-être pas le bon terme. Parce que je trouve ça cool d'inviter du monde qui ont tout à se faire connaître, contrairement à quelqu'un, mettons, de connu. Tu sais, puis Jonathan Roberge, c'est cool. L'épisode était cool. Mais tu sais, il était déjà big quand même sur Internet. Il restait du chemin à faire, si on peut dire. Puis c'est pas nécessairement nous autres. Je n'aurais pas dû l'inviter, là. Ouais. Mais d'après moi, il est pas assez connu encore. Il y a peut-être du monde qui sont plus dans l'ombre qui mériterait d'être peut-être d'avoir plus d'exposure. J'ai personne en tête. C'est plus comme général. Ok, ben moi j'ai une personne en tête, puis j'en ai parlé avec un peu dernièrement. J'en ai parlé avec Milter de ça parce que lui il trouvait ça intéressant. Mais si on va dans la communauté de RZO, pour les gens qui connaissent Papa Cassette, qui ont eu la chance de être avec Papa Cassette quand il est hors onde de son show, des affaires comme ça. Hors podcast. J'ai eu la chance d'entendre un peu parler de comment est-ce que la scène de rétro gaming revente et tout ça. Mm-hmm. Ça peut être un monde vraiment dirty. Les gens, ils peuvent être pas mal. Il y a des revendeurs croches. Il y a des crosseurs. Il y a des crosseurs. Il y a plein d'histoires ça. Puis un invité que j'aimerais que ce soit, c'est qu'on invite Papa Cassette. Inédit. Juste. Uncensored. On invite Dominique Bourret. Puis il nous compte ses anecdotes. Il nous compte ses anecdotes de fucking under CD gaming trade, de rétro gaming decades qui essaie de crosser des gens. Bon, ça c'est mon pitch. C'est quelqu'un d'intéressant. Je suis 100% d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord avec toi aussi dans le sens qu'il y a plein de monde. Sérieusement, il y a plein de monde dans la RZO Familia que. Je trouve intéressant à inviter. Là. Il y en a plein là-dedans. Je pense qu'on pourrait inviter chaque personne de chaque émission. Tu parles-tu de Brazil à RZO? Ou... Ben, les deux. On pourrait inviter la famille de Latino Talk du Brésil puis faire un épisode avec ça. On est-tu les seuls qui fait la référence ouvertement là-dessus? Je pense qu'on est les seuls. Oui, on est les seuls. Vous les font. Faut je pense qu'ils sont même pas tous au courant qu'ils sont dans une gang de rue latino. C'est ça. Fait que là, en date, on a comme quelqu'un d'émergent. Toi, tu parles de la RZO. Ben, famille. Moi, j'aimerais ça, là. Gars, que ce soit, comme il dit Dominique, que ce soit Bruno, qui pourrait nous parler de plein d'affaires qu'il fait, son expérience télévisuelle, manette, en quelque part, la manette, tous ses projets. Michael Larouche. Il pourrait nous parler... Mike Larouche, honnêtement, je veux pas spoiler un punch, mais... Il reste de venir. On slack un épisode avec eux autres dans pas long. Guillaume les deux Larouche. Couture de Je joue le jeu, d'après moi, c'est un invité qui serait super bon. Ouais. Carl de Terminarcade. Ouais. Il pourrait nous parler de game super chasing. De chic type, en plus, ce gars-là. Ben ouais, puis tu sais, outspoken, puis il gêne pas, puis un peu comme tu dis avec Papa Cassette, on pourrait quasiment avoir les deux, parce que... Dom, lui, il revend beaucoup. Fait qu'il envoie sûrement des affaires d'acheter des lots pis tout. Mais l'autre, il chasse. Entawa vient de plugger Joël Martel. Ben ouais, c'est clair. Lui, honnêtement, il est à Montréal. S'il vient pas au collectif, Joël, insulté, faut qu'il vienne. Puis Joël, je pense que depuis l'épisode 5, on se parle. Puis on se dit, il faut qu'on fasse de quoi ensemble, genre. Puis ça a pas marché qu'on aille au FIA. Il est descendu un moment donné, puis ça a juste pas donné avec nos horaires de tout le monde. Ça m'a fait chier le FIA de le manquer cette année. Puis, gars, Joël, si tu descends, n'importe qui de fun jouer-jeu, de toute façon, là, ouais. C'est que ce soit Sébastien ou Daniel Vaillancourt, là. Descendant, quelqu'un qui boys, descend à Montréal, même. Là. Puis, à la limite, on va monter à Alma. Mais, même, c'est niaiseux à dire, là. Mais dans notre gang de famille d'RZO, là, ceux qui familia. Écoutent présentement, là, la Familia, ceux qui sont dans le chapitre de Québec, là, si on peut dire. Le chapitre. Parce qu'on. On se fait-tu des patchs, man? Ouais. Faut pas faire trop de symboles, là. Les djihadistes canadiens vont être après nous autres. Mais. Puis les favelas. La gang de Québec, quand ils descendent dans le coin de Montréal, là. un petit message, puis qu'on se fasse un rec express ou quelque chose, là, recevoir le monde, en profiter. On est capable de s'arranger, puis de comprendre que c'est des moments spéciaux. Mais tout ça pour dire aussi qu'entre nous autres, je pense qu'il faut se motiver à dire, à date, tout a bien marché. Faut s'essayer. S'il y a quelqu'un qu'on pense, là, que ce soit nos fans qui nous suggèrent du monde ou qui parlent à leur personne, « Hey, check le Geek Collectif, passe à leur show. » Ou nous autres, de demander, pas se gêner, pas s'auto-bloquer, à ouais. demander à des personnes. Mais je pense que... Gars, pas lourde, je veux pas lourde à notre show, j'aimerais ça. Si on est quand même pas lourde au show, ça serait sick. Écrivez à pas lourde, puis dites-lui, va au Geek Collectif, ils veulent t'avoir. Je capoterais. Mais le pire dans tout ça, puis je pense que, tu sais, gars, Joël, on l'invite, puis j'ai hâte qu'il arrive. On a eu la chance d'avoir Olivier du Biérologue. Ouais. On a eu la chance d'avoir un paquet de monde avec nous autres. Du monde du web, Richter pour moi, personnellement, Richter ouais. Puis, mais honnêtement, là, je me rends compte que ça a l'air con, mais une personne que je suis sûr que l'émission serait malade, puis ça fait longtemps que je veux inviter, puis j'ai jamais eu le guts de le faire. Claude Legault, man. Ben, Chris. Ce gars-là, je suis sûr qu'il doit avoir des solides histoires. Il va traîner pods avec lui ou nous conter des histoires de CSST et tout. Non, mais des histoires de CSST ou des histoires de dans une galaxie près de chez vous, peu importe, mais je suis sûr que ce gars-là, il doit avoir. Il est accessible, lui. Ben, peu importe, tu sais, parce qu'on parle à large. On demandera. Non, mais on se dit ça. On se dit ça, il est accessible. Ok, ben, Ric Flair. Mais écris un email à Claude Legault, là. Non, mais pas Ric Flair, mais pour, sans joke, Jacques Rougeau. Je suis sûr que Jacques Rougeau, ça serait malade. Ça serait solide. Si Jacques Rougeau veut pas, là, je suis déçu. Je suis sûr qu'il voudrait. Mais sans joke, tu sais, du monde de même. C'est un bon nom, mais c'est un esti de bon gars de famille. Correct, là, genre, gars, il fait des événements de famille, puis tout. Je suis sûr qu'il voudrait venir nous parler, puis nous conter des bonnes histoires. Ce qu'on a à retenir de tout ça, c'est que on a 50 épisodes de fête. Puis autant que même nous autres de notre bord, on fait comme tabarnak, on parle de quoi cette semaine, qu'est-ce qu'on fait. Mais il reste tellement de sujets, il reste tellement de monde. Puis le collectif... Puis les actualités font que... Si on voulait vraiment, je pense qu'on serait capable de faire un 2 heures juste sur genre... Tel jeu vient de sortir cette semaine. Puis ça dérape, paf, on ça en finit parle pendant par 2 heures. Les hippocampes, c'est des hippocampes. Exactement. Mais je pense que... En 50 épisodes, c'est la pointe du iceberg. On a encore beaucoup de sujets à toucher. On a encore beaucoup d'invités qu'on aimerait avoir. L'important, je pense, c'est que le collectif, c'est nous, mais c'est vous aussi. C'est une des phases qu'on a tout le temps voulu exploiter. C'est tout le monde. T'sais, c'est ce que vous en faites. Le Geek Collectif, dans le fond, c'est un podcast, mais en réalité, c'est un site web, c'est un groupe Facebook, c'est un clan dans Destiny, c'est un paquet d'affaires, mais tu sais, c'est ce que vous allez en faire. Si ça vous intéresse de parler avec nous autres, envoyez-nous un tweet, un email, peu importe. Envoyez-nous un message sur Facebook. Des idées de sujets que vous voulez nous entendre parler. Ben oui, garde des photos, n'importe quoi. Sam Lantin nous a envoyé des... Crime, on a fait un épisode un moment donné, on a pris une toune que Sam Lantin nous a envoyé, puis c'était un montage. Puis... Faites des tounes. Faites des tounes, faites n'importe quoi, mais l'important, je pense, c'est que le collectif... Featuring Lord. Oui, OK, c'est nous autres, derrière des micros, qui vont vous parler, mais ça peut être n'importe quoi, le collectif, puis... Moi, je suis curieux de voir jusqu'à quel point ça peut aller, quelles images on peut recevoir, quelles vidéos on peut faire. Il n'y a aucune limite, il n'y a aucun rien. Puis, une chose est sûre, c'est pas fini. C'est aussi simple que ça. Il en reste du stock, il reste des passions à explorer. Claude Legault, t'es mieux de venir au collectif Cadis, parce que je vais être déçu. Puis tu veux pas décevoir le seul gars que tu connais pas puis que tu t'en sacres probablement, mais... mais non, mais honnêtement, là... Sinon, il va devenir notre running gag pour les 50 prochains épisodes. Ça va peut-être devenir notre running gag. Écris-nous, Claude. Mais, guys, on veut entendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous voulez qu'on qu'est-ce parle, vous, qu'est-ce qui vous voulez qu'on voulez... aille, parler du collectif. Moi, je vais vous le dire, il y a une chose en vie qui s'achète pas. C'est de la pub gratis. C'est de la pub gratis. Fait que partage... Non, mais honnêtement, votre monnaie sociale, vos likes, vos shares. On est à 848 fans sur la page Facebook aujourd'hui. Capable de se rendre à 850 avant 2015. C'est clair qu'on se rend à 850. Non, mais tu pensais-tu te rendre à 800? Jamais. Tu pensais-tu te rendre à 848? Moi, là, je m'avais stoppé à 703. Moi, honnêtement, là, à 500, j'ai fait... C'est qui le Chris de clown qui va liker? Puis, après, j'ai fait comme, c'est pas des clowns. C'est des gens. C'est ma mère, ma tante. Ma mère n'est pas sur Facebook. C'est ça le pire. Honnêtement, ma mère et ma tante sur Facebook, j'aurais fait comme, OK, c'est normal, on est à 1000, on est hot. OK, mais c'est notre mère, ma tante. Nos mères. Honnêtement, on. À chaque fois que vous aimez un épisode du collectif, ben, premièrement, dites-nous-les parce que ça nous encourage. Deuxièmement, dites-le aux gens autour de vous aussi. Faites découvrir le projet. Faites découvrir le podcasting. Écrivez-nous sur Twitter, c'est con là, mais ouais, on veut vous jaser. Chaque fois que je dis quelque chose de cave, il y a quelqu'un qui me l'écrit en quelque part sur Twitter, mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres monde qui le pense puis qui fait hostie, il a pas dit ça. Puis on essaye de vous répondre avec @geekcollectif, mais écrivez aussi à tous les Twitter individuels parce que @geekcollectif, quand on a un job, c'est dur d'y répondre, mais on essaye honnêtement, puis on essaye, puis on est là pour vous, mais honnêtement. C'est... L'expérience serait pas pareille sans le collectif, sans les fans, sans le monde, sans l'auditoire. Puis un gros merci d'avoir été avec nous dans les deux dernières années. 50 épisodes, il y en a bien d'autres à venir. Slow clap. On finit sur un slow clap. Non, wow, on appelle ça un golf clap. Golf clap. Mais suivez-nous sur... Facebook.com/geekcollectif le podcast. André, arrête. J'arrête. Donc, Geek Collectif le podcast sur Twitter, Facebook.com/geekcollectif le podcast, podcast@geekcollectif.com. Laissez-nous 5 étoiles sur iTunes. C'est l'affaire. Honnêtement, t'aimes le podcast depuis le début, depuis la semaine passée, t'en as écouté rien qu'un, tu trouves qu'on est vraiment pourri, mais qu'on essaye fort, laisse-nous 5 étoiles. Peu importe, mets 5 étoiles, puis envoie-nous chier en commentaire, c'est tu peux pas dire, grave. Fuck c'est you, ça. Podcast de marde, 5 étoiles, on va être heureux. C'est ça, on s'en fout, là, c'est 5 étoiles, parce que si tu mets une étoile, on va te retrouver, là. Donc, exactement. À ce moment-là, mon nom est André Paquette. Google Maps. Vous pouvez m'ajouter sur Maps. PSN, Instagram et Twitter au nom de @uzumakiqc. Sinon, ben, André Paquette sur Facebook. Envoyez-moi un friend request que je vais peut-être vous envoyer un email en disant « Vous êtes qui, vous? » Puis après ça, je vais vous ajouter. Eric, les gens qui veulent interagir avec toi? Price1387 dans Battle.net. Price? Plein de choses. P-R-I-C-E-D Hashtag 1387. Puis plein, joue tous les jeux de Blizzard. C'est pour ça que t'as pas personne qui joue avec toi. C'est bien trop compliqué d'ajouter avec ce nom-là. Aussi Montréalien. Puis mon numéro de téléphone, c'est 514-521-2900. Je suis rendu à un Creeper Dude qui m'envoie des textes. Je sais pas c'est qui encore, mais c'est quand même drôle. T'as encore donné ton numéro de sel? Puis Pierre Lessec qui m'a actuellement donné un call. Ça, c'était très cool de sa part. Il respirait au début, mais il était pas capable de continuer. Mais c'est ça. Fait que c'est ça. 514-521-2900. Puis la personne qui m'envoie des textes, là, j'ai aucune idée c'est t'es qui, hein, mais ce serait fun que tu me dises t'es qui, mais sinon ça va rester weird. C'est cool. Milter? Moi, Zombie Milter sur Twitter. @ZombieMilter @ Zombie Milter. Milter 187 sur Xbox, PSN, Steam et toutes ces babelles-là. Et ben mon nom sur Facebook, vous avez pas mieux que trouver ma page. Il n'y a pas d'autres vraiment Milter que moi. C'est pas mal ça. Nick, les gens qui veulent interagir avec toi. Depuis le temps, là, c'est le temps. Mon Twitter, Johnny Tabarnak on Twitter, toujours. Nicolas Denomé, Facebook. Et... nouveau membre de PSN. Oh yeah! Nick Sharknado sur PlayStation Network. C'est ça. That's it. Donc, merci d'avoir écouté nos 50 épisodes ou le 50e et les autres à venir. On se revoit dans 2 semaines pour la suite de notre aventure. Merci à vous et bonne soirée! Oui. Bonsoir!